Catching butterfly. C'est un héros des temps modernes. Un soldat. Il ne craint personne. Rien ne l'effraie. Il détourne un tsunami à main nue. Son souffle provoque un ouragan. Quand il marche, il provoque des séismes. Et il fait de la radio en parlant. Vince, 21h minuit, sur Énergie. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Belgique, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée, si vous êtes encore dans les embouteillages, oui comme on est en Belgique c'est possible à 21h, hein. Et ben patience, vous êtes bientôt à la maison, si vous êtes au boulot, courage à vous les amis, si vous êtes en train d'étudier, c'est bientôt les vacances. Ouais, étudiez bien parce que c'est bientôt la Toussaint là. Et pour ceux qui sont en secondaire, on pense à vous, le premier bulletin qui arrive. Ah, ah là là, ça me rappelle quand je cachais mon bulletin et tout sous mon matelas. Et qu'un pote un jour a balancé, ma mère qui disait tiens c'est bizarre hein, les bulletins sont pas arrivés, j'avais mitonné genre on nous les donne après les vacances. Et t'as mon pote il dit ah mais non madame on les a reçus hein, vendredi dernier. Je te jure la honte quoi, oh là là elle m'a défoncé, incroyable. On pense à vous les amis, bonsoir Lara. Bonsoir Vince. Ça va, tu vas bien? Mais ça va, je suis trop contente d'être arrivée là et de pouvoir enfin genre déposer mes valises de ma vie tu vois. Les valises genre de ta je vie. Dépose les valises de ma vie sur cette chaise. Je t'écoute, je prends le temps de respirer. Parce que comme tu as dit, j'ai passé. Mais non, mais quoi, c'est ça, c'est le soir. Le soir, c'est le top. Ah, le soir, on est c'est bien. Le moment où tu fais, allez, voilà. On voilà, est bien d'accord. Voilà, voilà. Parce que j'ai passé ma journée dans les embouteillages. Toi aussi, ouais, tu m'avais dit au téléphone tout à l'heure. Tu vois là. Les journées où tu dois faire plein de trucs. De très tôt ce matin jusqu'à très tard le soir. Et tu dois aller d'un endroit à l'autre. Et à un moment donné, t'as une barre là. Il y a un truc qui prend ton cerveau. Ah, ça saoule vite, hein, tout ça. Ouais. Et qui compresse ton cerveau comme un étau et t'es là. Ah, ouais, c'est dur, effectivement. On a Nigel qui est là aussi. Salut Nigel. Salut Vince. Ça va Nigel? Ouais, ça va, tranquille. Nigel, il m'a donné une technique là. Lui, quand il est en cours, en fait, il fait des micro-siestes. C'est comment ta technique? Raconte. Mais en fait, je dors debout, genre pendant 15 minutes. Et... non, mais sérieux, genre mes yeux, ils sont à moitié ouverts. Du coup, le prof, il pense que je dors pas. D'accord. Et j'arrive à me reposer, genre pendant 15 minutes. Mais tu sais qu'après, je suis en forme. Hein. Nigel étudie à l'université, je précise, enfin, en école supérieure. Ouais. Il est pas à l'école secondaire, donc il s'endort pas en cours secondaire. Même si on dirait. Un champ de secondaire. Quand tu t'endors à l'université, c'est un peu plus cool, tu vois. C'est plus. Voilà, t'es. Non, mais il faut quand même attention parce que c'est des cours obligatoires. Ouais. Bien sûr. Du coup, en fait, si tu ça. Les fais pas, t'as pas ton année. Bien sûr, on estime que t'es majeur et vacciné, que si t'as pas envie de venir au cours, même, bah, tu viens pas. Maintenant, c'est galère pour toi, mais. Ouais, mais sauf que maintenant, enfin, ils ont fait une nouvelle technique. Vu que c'est des cours obligatoires, si tu vas pas en cours. Ouais. Genre plus de 25% du temps, ouais. Tu perds 5 points à l'examen. Du coup, Et si t'es en cours mais que tu dors, est-ce que tu perds du pourcentage de présence? Ben du coup non, parce que du coup il a pris ta présence. Ah ouais, pas mal, c'est pas une technique ça, hein. Incroyable. Je dors mais je suis présent. On salue le standard également, ils sont là, ils sont connectés. Enfin pas le standard de Liège bien sûr, hein, mais Thibaut, ben, c'est la même couleur en même temps. Oh Thibaut, mais râle pas, c'est bon, il a rejeté le micro là. Bonsoir Thibaut, Thibaut dans la maison, ça va Thibaut? Ça va super et toi? Ça va très bien, t'as vu, il y a aussi les Diables Rouges. Ouais, ouais, d'ailleurs. Qui joue ce soir? Ils sont en train de gagner 1-0, ça me plaise. 1-0, ah, et goal de qui en fait? Goldorak. Ouais, je sais même pas. Goldorak. Je l'ai dit! Voilà, en tout cas, on sait que c'est goal pour la Belgique, 1-0 contre les Pays-Bas qui n'en touchent plus une depuis pas mal d'années. Bien c'est qu'ils ont battu l'Allemagne, il paraît récemment là. Hein. Ouais, ils ont battu. Non, ils ont battu l'Espagne. L'Espagne 3-2. C'est pas l'Allemagne qu'ils ont battu récemment aussi. L'Allemagne. Ah, c'est l'Allemagne. Ouais, c'est ils étaient l'Allemagne. Super forts avant, moi je me souviens. Les Pays-Bas, c'était ouf avec Edgar Davids, ouais, Clarence Seedorf. Avec ça, ouais. Louis De Boer, Ariane Robben, Kluivert, Van der Sar. Ouais, bon, parlons Van der Sar. Et puis on a également Eddy qui est dans la maison. Salut Eddy. Yo, ben ça va super bien. Ça va Eddy, tranquille. Mais je suis un peu perturbé parce que j'ai un roula et il y a Kevin De Bruyne sur le terrain, ça fait deux. Ça fait beaucoup quand même autour de toi. Hein, ouais, c'est pas à l'aise. Mais sinon, ouais, ça va. Ah bah tant mieux, heureux de le savoir. Et vous aussi, merci pour tous vos messages, les amis. Il y a plein de messages qui arrivent là sur le WhatsApp. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Toi, comment tu vas? Oh, ouais. Merci, la rame demande. Bon, ça va, tranquille. J'ai un peu. Il est content. Une petite fatigue. Une petite fatigue comme ça, tranquille. Ouais, on est fatigué. Hein. Ouais, bah oui, parce qu'il y a mon fils qui m'est arrivé tellement tôt ce matin. Oh, le chouchou. Bah oui, bah le et pauvre alors, en même temps. Bien. Il va bien, il est adorable. Oh, il est tellement beau. Il a ses 5 mois, bientôt 6. Et crois-moi que je le sens passer le matin. Hein. C'est vrai. Je suis rentré à 3h du matin d'énergie parce que j'ai dû prendre des vidéos pour vous donner des vidéos à regarder sur YouTube. D'ailleurs, la chaîne Énergie Belgique, elle est matée. Et il laisse tomber ce matin, 7h du matin, 6h comme ça, je ne sais plus très bien, je ne me rappelle plus de l'heure. C'est ta. Tu sens que t'as dormi, mais tu sens que t'as pas dormi c'est suffisamment. Pas assez, ouais. Voilà. Ouais, ouais. J'ai regardé dehors, je voyais qu'il faisait encore nuit. Je me dis, non, pourquoi tu me fais ça? Il y a Julien qui est connecté là. Zouké et les Azimuts, les Artimus, pardon. Et merci Julien, c'est original ce qu'il nous envoie. Il y a Asia qui est là aussi. Il y a Balibalo là. Vince, tu peux faire une pub sur ma chaîne, s'il te plaît. Ma chaîne YouTube, c'est Balibalo. Message passé. Il y a Eden également qui est connecté là. Big up à ton fils. Bah ouais, il s'appelle Eden en fait. Ouais, c'est vrai. Beau. Et justement, c'est un autre Eden qui nous envoie un message sur le WhatsApp là. 0492 222 002. Ça dit quoi, Eden? On écoute ça. Je suis sûr que je vais passer. J'en suis sûr. T'es passé, mec? Eden est dans la maison. J'adore. Il y en a tellement qui m'envoient des messages vocaux. Ouais. Des messages vocaux, ouais. Des messages vocaux, pardon, j'ai un peu bugué, mon cerveau a fait oum. Et c'est vrai que parfois, ça passe pas et on essaie d'en passer un maximum, les amis. Hein. Et merci à Jérémy Valto, là, qui est en train de nous écouter, là. Merci. Ah, il est en train de filmer le match aussi. Merci, c'est gentil, Jérémy. Et du coup, il nous écoute de Valto ou pas? Ben non, non. J'ai écrit Jérémy. En fait, je l'ai appelé Jérémy Valto parce que je l'ai rencontré à Val Thorens. Ah oui. Ah, ok. La station de ski, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. voilà, Django dans la maison, Najat et Lola Team. Il y a Antoine qui nous envoie un message vocal aussi. Ça dit quoi, Antoine? Attends, je vais essayer de le mettre en play, Antoine. On y va, c'est parti. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Il faut le temps que ton message se charge, on dirait, Antoine. Ça veut pas faire play. Ça, c'est quand ils font des messages de 30 minutes aussi. Antoine. Ouais, ouais. Ah, mais non, merde. En fait, il m'a envoyé un fichier audio, mais genre, il faut envoyer une note vocale, pas un fichier audio. Sinon, ça me fait des bugs, là. Il y a Lison qui est là, il y a Eulalie aussi, il y a Geoffrey. Vince, pour info, c'est l'Angleterre qui a battu l'Espagne 3-2 hier. Ça, c'est pour toi, Nigel. Pourquoi c'est les équipes nationales? Ouais, non, je sais, ouais. Je me suis juste gouré. Hein. Bah, c'est les matchs amicaux, c'est la Nation League. Ah, c'est le nouveau là, truc. Là, ce soir, c'est amical en Belgique. Ah, donc il y a quand même encore des matchs amicaux. Ouais, enfin, ça dépend des calendriers. Parfois, t'as la Nations League. Je croyais qu'ils avaient enlevé les matchs amicaux parce que les gens voulaient plus jouer. Justement, ça il y en a quasiment plus en fait. Ah, mais ouais. Non, mais en fait, ce qu'ils font, c'est avec la Nations League, en fait, il y a un match donc officiel, donc ouais. La Nations League, et puis il y a un match amical. Ah mais voilà. Le même. C'est ça. Non, c'est pas le même. C'est juste deux matchs différents. Voilà. Et puis en même temps, il faut qu'il y ait des matchs amicaux parce que comment est-ce que tu veux que la Belgique puisse rencontrer, je sais pas, moi, l'Égypte, un truc dans le genre. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste pour la cohésion de groupe, hein. Ah bah ouais, pour qu'ils bah puissent ouais. Pouvoir jouer ensemble, etc. C'est ça, il n'y a pas que sur les terrains d'entraînement. Hein. Ah. Enfin Vince, j'ai mis WhatsApp pour toi, eh ben, bienvenue à toi. Il y a Ismaël qui est connecté, bonsoir, je vous écoute aussi. Antoine, la note vocale, allez, j'essaie de la lire, ça dit quoi Antoine? Oh gros, big up la team Pathfinder. Pathfinder? C'est dans la maison. Et ça s'entend, il ne faut pas que les paroles grillent, on dirait là. Merci à toi pour le message Antoine. Et yo, ça dit quoi yo? Yo, 56-41. Le chauffeur du Technamur est dans la maison. Yo, Namur est là. Ouais, on est animateur radio en même temps. Hein. Et j'adore parce qu'il y a un message, Vince, je t'écoute de BX. Ah, Bruxelles représente. Bruxelles V. Et big up à tous les auditeurs du Luxembourg. Oui, les Luxembourgeois, on sait que vous êtes là. Hey, ça, c'est la musique des Luxembourgeois. Monnaie. Voilà. Monnaie, Luxembourg, t'as compris la blague, hein. Hop là, super. Salut à vous tous, je suis à nouveau. Eh bien, bienvenue à toi. 0492 222 002. Les amis, ce soir, gros programme dans l'émission. Avant qu'on se fasse le son Dimitri Vegas, Like Mike, Wiz Khalifa, When I Grow Up. Ce soir, on aura des cadeaux à vous offrir d'ici ouais. Quelques minutes yeah. Avec le patron de Manga Bruxelles qui est avec nous ici dans les studios d'énergie. Yes. Bonsoir Tong, comment ça va Tolga? Ça va et toi? Ça va très bien, tranquille, la vie est belle ou quoi? Bah oui, hein, comme d'hab. Eh ben parfait, t'es venu parce que tu vas balancer des questions de culture générale pour les auditeurs. Ouais, c'est ça. C'est culture générale là. Manga, je viens de le préciser. Il est grave en train de se shit. Ouais, il est un peu stressé. Non, là. Non, je suis à l'aise. Parce qu'il a pas les réponses aux questions, je crois. C'est toi qui devais les Tolga, faire. Tolga, t'es venu avec tout un paquet de nouveaux cadeaux là, à offrir aux auditeurs, des figurines Naruto, Dragon Ball, One Piece, il y a vraiment un peu tout, Jojo's Bizarre Aventure, tout ça. Et ce sera même Chevalier du Zodiac. Enfin, il y a vraiment de tout. Et donc, ce sera à découvrir d'ici quelques minutes. Ça va? C'est ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez passer à l'antenne pour vous affronter, vous envoyez Manga maintenant sur le WhatsApp 0492 222 002. Ce soir, dans l'émission, on va parler des pires arnaques que vous avez subies ou justement que vous avez faites. Hein. Voilà. Y a pas mal de réactions déjà dans le domaine. Hein. On a des auditeurs déjà en standard qui sont prêts pour ça. Là. On a également le Kiff Ton Père prévu pour ce soir, le jeu du bluff, le jeu des 4 punchlines. C'est prévu pour ce soir. Et en attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin qui est là dans la maison. Allô Kevin, est-ce que tu m'entends Kevin? Allô Kevin? Oui. Oh, Kevin, Kevin est dans la maison. Ça va Kevin? Ça va et vous? Tranquille. Ça va mon pote, ouais. Avec toi on va parler des arnaques parce que toi t'as fait une arnaque, c'est ça hein. Toi t'as arnaqué des gens. Ouais, en gros, bah, si on peut appeler ça des gens, les banques. Ah, les banques. Ah, t'as arnaqué les banques. Champion. Oh là, ouais. Enfin, du champion. Enfin, ça dépend. Si les gars, s'il arnaque les banques, il a arnaqué un peu mes thunes aussi, hein, donc ouais, voilà. Mais c'est garanti. Attention, Kevin est dans un gang, attention. Hein. Hey. Et moi, je fais des arnaques bancaires. Hein. Ouais. Je m'appelle Kevin. Bon, Kevin, on parle. Je vais préciser une chose. Ouais, dis-nous. C'est qu'en fait, j'ai demandé aux standardistes de changer mon nom pour pas être reconnu. Hein, t'es en prison, en fait. Je m'appelle pas Kevin, c'est un prénom dégueulasse qu'il a choisi. Mais... Non, mais moi, pas de respect au Kevin, toi aussi. Mais il veut pas être reconnu, puis il veut quand même être reconnu, c'est chelou. Tu veux changer de blase ou quoi? Non, ça va, tranquille, non, mais on va dire Kevin. Ça va. Ouais, il a honte. Bon, Kevin, on t'appelle Kevin, alors. Ouais, un peu, Kevin, j'ai honte, ouais. Ça va, bah t'inquiète pas, bon, bah écoute, on va voir ton histoire, là, dans quelques minutes, on en parle avec toi. Tu ne bouges pas, Kevin? Yo, ça marche. Ça va, et si jamais vous avez déjà été arnaqué ou victime d'arnaque, venez Kevin. Nous en parler. Exactement, on a Flavien qui est là, salut Flavien. Allô, Flavien. Allô. Oh, Flavien est dans la maison. Sur Énergie. Eh Flavien, tu viens de quelle ville? Près de Pleurus. Près de Pleurus, Charleroi ou quoi? Ouais. Mais j'ai grandi à Charlouze. Charlouze. Et pour t'affronter ce soir au quiz manga de Manga Bossels, j'ai le plaisir d'accueillir David. Salut David. David est dans la maison. Ah ouais. Mais lui, il a été trop rapide. Attention les mecs, vous allez vous affronter dans un quiz de manga fait par le patron de Manga Bossels à gagner d'ici quelques minutes des figurines collector. Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ça. Go. Et on va négocier là-haut, ça. On va négocier plusieurs là, sur le coup, là. Et ça arrive juste après. Dimitri Vegas, c'est Like Mike. Hit tout frais. C'est tout frais, ouais, comme dit le jingle, là. C'est Like Mike. Dimitri Vegas, c'est Like Mike. On a même des dédicaces. IFA. Oh yeah. Dimitri Vegas, Like Mike, Wiz Khalifa. Soyez les bienvenus sur Énergie, les amis, on est là, on est connecté avec vous. Belgique, Pays-Bas, 1-0 pour la Belgique. Ça fait du bien, ouais. Ouais. Où ça? I do them trees. It's true if you believe. You can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see. A G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I made the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. I'm buy my house upon the hill. déception, il y a les Pays-Bas qui viennent d'égaliser contre la Belgique, là, c'est 1-1. Oh mais non, mais non, mais oh purée. Le soir, 21h minuit. Yeah. Du lundi au vendredi. Vince. Vince sur Énergie. Bon, s'il y a des Hollandais qui nous écoutent, hein. On sait jamais. Doucement la musique, doucement, s'il y a des Hollandais qui nous écoutent, c'est pour vous ça. Allez hop. Les Hollandais. Thunderdome. Welcome up Énergie. Oh là là, ça part en sucette là. Bienvenue sur Énergie, 21h15 les amis, on est en direct avec toute la team dans l'émission. Il y a Lara, il y a Nigel, il y a Thibaut, Standard, il y a Eddy également, ils sont là pour décrocher à vos appels, pour rigoler, pour se marrer tous ensemble. On me demande Vince, est-ce que tu offres des cadeaux ce soir? Ouais, on offre plein de cadeaux les amis, dans les pranks, également dans le mot de la fin, en toute fin d'émission. Il y aura peut-être même une scène culte si vous êtes sage. Et on nous dit Vince, la Belgique va gagner, pas d'inquiétude à avoir. Bah écoute, j'espère bien, j'espère, je croise les doigts. Inch'Allah. Merci pour Vince, j'écoute depuis longtemps et là me voilà, donc l'émission depuis longtemps, et là me voilà sur WhatsApp, c'est Irfan qui a envoyé ça. Coucou l'équipe, est-ce que vous êtes en forme? Oui, on est en forme. Merci Mickaël pour ton surtout message. C'est qui joue, Anas, qui envoie le message? C'est qui joue? C'est Belgique, Pays-Bas. Maintenant pour les quiz manga, et on y arrive tout de suite. C'est Flavien et David. Vous êtes toujours là, les gars? Ouais. Ah, splendide. Il y en a qu'un qui est là. Ok. Flavien dans la maison. Splendide. Bon, les amis, nous allons accueillir tout de suite Tolga de Manga Brussels. Bonsoir Tolga, comment vas-tu? Bonsoir, super super. Bah, je suis en forme pour le quiz. Comment va Genki Deska? J'espère qu'ils sont en forme aussi. T'as vu, je lui parle en japonais, il a pas capté elle, pardon. Elle, lui, il est juste concentré pour poser des questions. Grave. Mais il est en flip depuis la tête. Manga est stressé, pardon. Tolga est stressé. Il a dit manga. Je suis à l'aise, vous me mettez à l'aise. Donc, je précise, t'es passé dans une émission de télé, hein. T'es passé dans deux sneakers. Ouais, c'est ça. T'as fait des baskets customisées Dragon Ball. Exactement. On les a exposées à la rétro Mia à Namur, ouais. Et c'est un carton. Elles ont du potentiel. Elles sont dans ton magasin ou pas? Ouais. Ah cool. Ils peuvent venir le voir aussi en magasin. Ton magasin qui est situé à côté de la Bourse à Bruxelles. Hein. T'es le leader dans toute la Belgique en termes de manga, toi. Exactement. Boulevard Anspach numéro 94. Parfait. À alors attention, ça va se passer entre Flavien et David. Est-ce que vous m'entendez bien, les gars? Ouais. Très bien. On va savoir par qui on commence d'abord, parce que c'est chacun une question et c'est le premier qui arrive, qui a le plus de score après une dizaine de questions. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Ah oui, 10 questions. Ah oui, 10 questions, attention. Hein. Bah bon, 5 chacun, le premier qui donc du coup. Arrive à 5. Voilà. Après, il y aura peut-être une finale si jamais tout le monde trouve. Flavien contre David, vous allez devoir donner. Enfin, pas donner votre prénom, c'est pas nécessaire, mais pour savoir qui va commencer, je vais demander l'âge de Flavien. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Et toi, David, t'as quel âge? J'ai 24. Allez, honneur au plus jeune, c'est David qui commence. Non, je rigole, c'est Flavien qui commence. Et par contre, le 16 ans, il sort la couille. Genre, il a une trop grosse voix, il a dit j'ai 16 ans. Bah quoi, tu sais que la voix que j'ai là, j'ai pu mettre 13 ans. Hein. Ah ouais? C'est logique. Si, c'est normal. À un moment donné, t'es là, tu parles comme ça. Le lendemain, tu parles comme ça. Et puis le surlendemain, tu parles comme ça. C'est très spécial, en fait. Hein. Voilà, et sans alcool, s'il vous plaît. Ta voix du matin, elle est comment, en fait? Oh putain, c'est des fréquences bizarres. Bon, Tolga, le patron de Manga Brussels, à toi de jouer, on t'écoute. Alors, on commence avec Dragon Ball. On commence avec Flavien, bien sûr. Avec Flavien, oui. Le pauvre, il est stressé. Il stresse pas, t'inquiète, on est entre nous. Donc, là. Vegeta attaque avec le final. Lâche. Bonne réponse. Oh, un point pour Flavien. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est? Alors le Final Flash, c'est la technique d'attaque de Vegeta. Oui, ça de Vegeta. Je peux comprendre. Voilà, c'est mais tout. C'est quoi? Bah c'est il met comme ça avec ses bras, il met ses mains, ses cheveux. Voilà, il met ses mains. Tu vois le Kamehameha qui est un peu la main vers le haut et la main vers le bas, tu vois, vers la verticale. Bah là, c'est à l'horizontale. Ah ok. Tout simplement. Mais tu sais quoi, Thibaut, il peut exprimer. Thibaut, il est fort en manga. Il peut s'exprimer sur le sujet là. Tu vas expliquer les trucs. Ouais. Ça on va, verra Thibaut. Lequel en fait. Voilà. Attention, deuxième question. Question pour David. On y va. Alors, comment est l'aventure de Jojo? Étranger, B, bizarre, C, sanglante. Bizarre. C'est une bonne réponse. Bravo. Bizarre. C'est bravo, mais c'est pas la première. Je connaissais même pas. Bah oui, mais la première, étranger, ça veut dire quoi? Étrange, en fait, mais il a lu étranger. En fait. C'est pas lire, en fait. Il a marqué étranger. Alors. Non, il connaît pas du tout non plus, lui. Alors. Pourtant, il envoie des figurines. Le mec a un, c'est un manga, manga. C'est un manga énorme, vraiment, que je vous invite à aller voir. Tu l'as pas regardé, toi, non, Thibaut? Non, celui-là, je le connais pas. C'est un, bah, c'est un animé de base. C'est comme Le Voyage de Chihiro. Non, ça n'a rien à voir. C'est un truc qui est haut en couleur. Ça va donner des couleurs dans tous les sens. Ça s'appelle Jojo's Bizarre Aventure. Et en fait, ça raconte. C'est des histoires qui sont pas vraiment liées. En même temps, elles sont liées. C'est très spécial. C'est pas le même héros, en fait. Parfois, c'est le petit-fils. Parfois, c'est un autre. Très spécial. Ça donne envie, en tout cas. On retourne à Flavien, c'est parti. Quel est le nom japonais de l'ultra instinct de Son Goku? De l'ultra quoi? Instinct. Flavien. Ah merde. Non, ça je sais plus. La mer noire. Ah là là. Attends, il peut pas. Enfin, je sais pas. Pas de réponse. Pas. Non, non. Et c'est une question par personne de toute façon. Hein. Zéro. Donc la réponse c'est quoi? Et de Thibaut. Migetsu no Goku. Thibaut, attends, avec ton micro c'est mieux. C'est bon, il l'a dit, mais il a coupé mon micro. Mais il a mal dit, c'est quoi? Ah, mais moi je suis pas fort en japonais, j'aurais dit comme lui. Du coup, tu peux le dire, je sais que t'es très fort en japonais, Vince. C'est le Migate no Goku. Voilà. Migate no Goku. Le Goku, ça veut dire quoi? Voilà, ça n'a rien à voir avec Goku dedans, parce qu'il y a Goku, ça veut dire le Migate no Goku, en fait, c'est les symptômes à l'éveil instinctif. C'est un truc bizarre. Érection, c'est... quoi. Voilà, exactement, bien vu, c'est une érection. Voilà, bien vu. Totalement, totalement. On est reparti avec David. C'est parti, allez. Alors, quel manga est sorti récemment en live action sur Netflix? Ah, je sais. Ouais. The Full Metal Alchemist et Death Note. Ah, eh ben non, c'est pas celui qui est sorti récemment, oui, malheureusement. C'est pas celui qui est sorti, c'est Bleach qui est sorti récemment. Ouais, c'était Bleach. Ah, ouais, ouais. L'autre Javel. D'ailleurs, il était vraiment très pourri. J'ai arrêté après 2 minutes. Il était bien, mais l'animation est bien, mais je sais pas adapter un ça animé. Ça va vite, mais ça va vite. C'est parce mais que surtout, adapter un animé en film, je trouve que ça craint un peu. C'est difficile d'adapter autant d'épisodes en 1h30, ah tu ouais, vois. C'est pour ça. Ils ont été vite. Mais il était cool quand même, arrête, c'était bien fait. Ouais, bien fait ça, je dis vraiment, pas. Vraiment, mais... l'attaque des titans, ça c'était naze, je te jure. Ah oui? Ah, ouais, il était naze en live action, là c'était pourri. Ensuite, pour ma défense, récemment, c'est pas précis, les gars. T'as dit quoi? Récemment, c'est pas précis. Il pose très mal les questions, ton gars. Oh là là. Bah non, mais c'est comme. Récemment, c'est le. C'est le plus récent. Attention, ouais, on continue. Ça va. On reprend Flavien. Vas-y, c'est parti, toi, le gars. Alors. Et vous pouvez jouer avec nous si vous voulez sur le WhatsApp, hein, 0492 222 002. On y va. Allez. Comment Saitama est-il devenu plus fort dans One Punch Man? Je t'entends pas du tout, on t'entend il pas du tout, Flavien. Sur Google. Il a fait 100 squats, 100 pompes, 100 abdos et 10 km par jour. Moi je connais. Et il manque juste encore un exercice. Ah bon? Attends, 100 pompes, 100 squats, 10 km et quoi? 100 abdos, 10 km par jour. Ah, 100 abdos, ouais. Il l'a dit? Non, il l'a dit. Bah ouais, c'est une bonne réponse. Bravo, attention. C'est vrai ça? On rajoute le point à Flavien. Ouais. Nouvelle question pour David, on y va. Ouais, 2 points pour Flavien pour l'instant. Vas-y, toi, le gars. Combien y a-t-il de Dragon Ball existants dans l'univers étendu Dragon Ball? Putain, non, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lire la question en articulant, s'il te plaît? Vraiment, je suis à côté en fait, de toi, je comprends écrit pas les questions, ce qu'il dit. Je lui ai donné, en fait. C'est pour vas-y. Ça, le pauvre bug. Articule, chouchou. Attends, si tu veux, je la repose. Non, attends. Vas-y, on va laisser toi, le gars, le faire. Vas-y, bien. Y a-t-il de Dragon Ball existantes dans l'univers étendu Dragon Ball, sauf DBGT? Donc, sauf Dragon Ball GT. Mais c'est pointu. C'est pour David. Combien y a-t-il de Dragon Ball? Eh ben, c'est malheureusement une mauvaise réponse. J'en étais sûre, parce que même ça, c'était la réponse que moi j'allais donner, genre les 7 boules de cristal, on est d'accord que c'est ça? Il y en a combien? Il y en a. Alors déjà, arrêtez de dire les boules de cristal, c'est les boules du dragon. Ouais. Ça s'appelle les boules de cristal. Non, ce sont les boules du dragon. Ariane, elle dit que c'est des boules de cristal dans la chanson. C'est une traduction à la con, ça. Les 7 boules de cristal venues de les étoiles. Oui, mais non, c'est des boules du dragon. C'est pas les boules de cristal, c'est pas du cristal, sinon elles se casseraient dès qu'elles toucheraient le sol. Dans les bagarres et tout ça. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça Dragon Ball. Voilà, merci. Ah, des boules du dragon. C'est simple que ça. Voilà. Alors, il y en a 21, parce qu'il y a les 7 Dragon Ball de la Terre, les 7 Dragon Ball de la planète Namek, et puis il y a les 7 Super Dragon Ball. Ça fait 21. T'as dit 24. Je vais passer pour un mais Dragon Ball, c'est le seul manga, un des seuls que j'ai pas regardé. Oh mon Dieu, le blasphème! Oh là là. Malheureusement, pas de point pour David. Alors, attention, ça reprend pour Flavien. Ouais, Flavien. C'est 2-1. Attention, c'est 2-1, ouais. RN fait partie du bataillon d'exploration, mais que peut-il faire? Qui? Il peut sortir des murs pour aller explorer à l'extérieur. Attention, la question a été mal prononcée, je vais reprononcer la question. C'est pas lire ce type. Non, mais le pauvre, c'est moi j'ai écrit ça là. J'ai écrit ça à la vite fait. RN. Attends, je vais poser la question à Flavien, ça va aller plus vite. Flavien, la question c'est, quelle est l'autre faculté? Donc, Eren fait partie du bataillon d'exploration. Il peut se transformer en titan. Il peut se transformer en titan, c'est une bonne réponse! Bravo, ça 3 à 1. Attention, bah. Mais du coup, c'est lui qui a gagné. Non, non, parce que si maintenant il échoue deux fois et que David gagne. Ouais, bon, ça suffit les pronostics là. Attends, je réfléchis 3 à 1. Non, t'as raison. Oui, t'as gagné, hein. J'ai rien dit. Et c'est la victoire de Flavien. Bravo Flavien. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais te passer du côté du standard. Tu vas repartir avec un lot de plusieurs figurines de Manga Brussels. C'est ça. Et j'ai même envie de te dire, est-ce que les auditeurs iraient pas voir sur mangabrussels.be? Est-ce que toi, t'irais pas aussi voir sur mangabrussels.be, choisir celle que tu veux? Mais attention, dans une gamme, je crois qu'il va te préciser. Non, parce que j'ai pas le risque. J'adore parce qu'il va choisir celle à 600 balles. T'as des figurines qui vont de 5 euros jusqu'à 1500 euros. Donc, bah, tu vas donner à 1500, bien sûr, nous. Il peut aller choisir une figurine d'une moyenne de 30 à 40 euros. Wow, c'est cool. Bravo Flavien, raccroche pas, je te passe tout de suite Eddie et Thibaut. Ça va? Merci, nickel. Et David, vraiment, tu peux la merde. Mais non, David, c'est pas vrai ça. David, merci à toi. En tout cas, tu as donné ce que tu pouvais. J'ai arrêté les mangas. Mon fils est né. Bah c'est normal. Ouais, c'est pas grave, hein, j'ai essayé. Eh bah écoute, remets-toi tout doucement, mon gars, et tu fais découvrir ton fils, ça va? Super. Une bonne soirée, les gars. Bisous, merci. Bonne soirée, ciao David. Bye bye, porte-toi bien. On va récupérer Kevin là pour l'histoire des arnaques. Et Kevin a fait une grosse arnaque. On en parle avec lui dans quelques instants. Avant ça, voici Louis Fonsi avec Calypso sur Énergie. Venez nous dire si vous avez déjà arnaqué des gens. Si des gens nous l'avouent, franchement, je dirais respect. Parce que voilà, c'est pas le genre de truc qui est facile à avouer. Si par contre, vous avez été victime d'arnaque, venez nous en parler. 0492 222 002. Bienvenue sur Énergie. Vince est dans la maison. Yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Welcome sur Énergie. Le soir, quand tu ne sais pas quoi faire, il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince est sur Énergie. Okay. 21h minuit, tous les soirs. Vince sur Énergie. Vince est dans la maison. Sur Énergie, il est 21h28, les amis. Merci à Tolgan, Manga Brussels, d'être venu. Ouais! Quand tu veux, t'es bien accueilli, donc merci à vous. Bah avec plaisir, tranquille. Hein, je rappelle le magasin mangabrosseuse.be, c'est du côté de Bruxelles, leader en manga. Là, si vous cherchez des coffrets DVD, des figurines, des t-shirts et tout des ça. Livres, exactement, sinon. Et je vous invite aussi sur notre nouveau site www.mangabrussels.be. Et il est moins bordélique que le précédent, c'est... Oui, c'est ça, il est plus professionnel, on peut dire. Et Très bien. À partir de 60 euros, en plus, la livraison est offerte. Ah, c'est cool, ça. Ouais, parce que vous pouvez commander comme si vous étiez sur Amazon, c'est chouette. Ah, ça tue. Donc voilà, donc soutenez ceux qui soutiennent le manga en Belgique. On se verra bientôt, là... Il y a la rétro qui est passée, mais la Médinazia, ça bientôt, ce sera au mois de mars. Ouais, on a le temps d'ici là. Merci à toi. Bah, merci à vous, merci. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Salut. Et attention, parce qu'on récupère Kevin dans la maison. Allô, Kevin, est-ce que tu nous reçois? Kevin, est-ce que tu m'entends bien, Kevin? Ouais, ça va. Ah, super, maintenant je t'entends, dans la maison. Kevin, c'est son prénom d'emprunt, il s'appelle pas Kevin parce qu'il a fait des bêtises, Kevin. Raconte-nous, qu'est-ce que t'as fait, mec, vas-y. Comment expliquer pour aller droit au but? En fait, j'ai fait une petite arnaque à la banque, tu vois, parce que le travail, c'est difficile et en fait, les banques, ils te prêtent pas tant que t'as pas de CDI, machin. Donc, quand t'enchaînes les CDI. Ouais, ils ont besoin d'assurance, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, des assurances, mais bon, après voilà, il y a certains pays où le CDI, ça veut pas forcément dire grand chose, sans mentionner de pays en particulier, tu vois. Mais du coup voilà, après moi je vais pas attendre toute ma vie d'avoir un CDI pour moi faire ma vie à côté. Donc en gros, si tu veux, j'ai été emprunté une certaine somme à la banque et en fait tout le dossier j'ai tout fait falsifier, quoi. Oh là là. Oui, c'est chaud. Mais c'est dangereux, tu risques pas de faire de la prison avec ça? Bah franchement, à la vérité, je préfère même pas me renseigner sur les risques ou quoi. Après, j'ai tenté. Ouais. Et voilà. Après, là, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est passé. Le dossier, il est passé, tout ça. Waouh. Le crédit, il a été accepté. Et pour l'instant, ça va. J'ai pas de soucis particuliers. Après, on verra la suite. Parce que tu es en train de passer à la radio. Ouais, c'est ça. Il passe à la radio sous un autre nom. Il y en a peut-être d'autres qui ont fait ça. Maintenant, donc, si je comprends bien, tu as emprunté de l'argent à une banque avec un faux nom, comme aujourd'hui à l'antenne. Non, un vrai nom, mais des fausses preuves de paye, des fiches de paye. Mais moi, je pense que le patron de la banque, il s'en bat les couilles tant que tu arrives à payer. Je croyais que normalement, il demandait à la banque centrale ou un truc comme ça. Ouais. Normalement, il regarde. Ouais, franchement, je sais pas, mais après, moi, je me suis dit, comme Vince, tu vois. Bon, après, je pense que il y a tellement de gens qui empruntent pour tout et n'importe quoi que s'ils devraient regarder ou ne serait-ce que vérifier, appeler les entreprises, voir si le gars est bien employé ou s'il a bien tel et tel type de contrat, c'est trop long. Je sais pas s'il y a un banquier qui nous écoute, mais en tout cas, si un banquier pouvait nous informer, serait cool par rapport au risque. Juste pour avoir des infos, Kevin. Hein. Mais maintenant, je pense pas que tu dois. Ouais, mais moi, je te le dis, parce que je suis passé par une banque où je connais quelqu'un qui travaille dans cette banque, mais j'ai demandé à ce que ce soit. Entre guillemets, est-ce que ce soit quelqu'un qui prenne le dossier, tu vois, j'ai dit que voilà, je le connaissais, c'était quelqu'un de proche, donc je voulais pas qu'il ait accès au dossier, etc. Donc je l'ai passé par quelqu'un d'autre. Mais après, voilà, moi je me suis un petit peu renseigné vite fait pour qu'ils me disent, entre guillemets, sur quoi ils se penchent réellement. Tu vois, je sais des... ouais, il m'a cassé l'oreille. Et du coup, voilà, après, moi, il m'a dit sur quoi faire attention, machin. Donc après, moi, j'ai un autre ami qui fait ça bien, qui travaille pour une grande entreprise où, tu sais, il crée des sites, des trucs comme ça, machin. Donc, il gère les ordis pour ça. Et voilà, après, pour l'instant, c'est passé. Après, tout est faux, en fait, tu vois. Tout est faux, mais ça, c'est dingue. Kevin, on continue à approfondir le sujet avec toi. Reste avec nous à l'antenne. Là, il y a plein de réactions qui arrivent. Dites-nous, si jamais vous avez déjà arnaqué ou avez été victime d'arnaque, vous l'envoyez en message ou en note vocale. C'est intéressant de ouf. C'est drôle parce que moi, je pensais que les procédures de bancaire étaient méga. Contrôlées. De ouf. On en parle tout de suite. Je suis dégoûté. J'aurais pu avoir plus. Mais non. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook. V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous élisez chaque année, grâce à Énergie, les meilleurs DJ mondiaux. Énergie DJ Awards 2018. Assistez à la cérémonie depuis Monaco, aux côtés de vos DJs préférés, grâce à la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller à Monaco aux Énergie DJ Awards. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos accès exclusifs pour les Énergie DJ Awards 2018. Ali Murs, Big Snoop Dogg, you know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of the shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ, play that track. Checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. See what I come to find. It's your moves, baby. You do. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. Stu. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dur. 'Cause I can't dance in the way that you do. D-O-Dur. And when the DJ's spinning that song that we groove to, you know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Allez, welcome sur Énergie, les amis. On est ensemble. Vince est dans la maison. Et merci pour tous vos messages là. WhatsApp 0492 222 002. Il y a Najat qui me dit, Vince, la procédure des banques à la banque centrale, c'est pour voir si le client n'est pas fiché, tout simplement. Kevin a pris un risque de fou. Kevin qui est avec nous dans le standard là. Kevin, tu nous entends toujours? Oui. Ah, il y a Lara qui voulait te poser une question par rapport au montant. Oui. On est curieux. T'as emprunté combien? Ouais. Un peu plus de 230 000. Quoi? 230 000 euros? Hein? Mais c'est pour une maison! Et c'est un truc de ouf! Et c'est passé! Avec des faux papiers, c'est passé! Je suis choqué! Ouais, c'est passé, mais après, pourquoi c'est. Waouh! Wow. Pour quelque chose! On en parle juste après! On en parle juste après, putain! Ouais, je pensais qu'il n'y avait pas pire que la sacoche d'Eddie, mais non, là, je suis choqué! Là. Qui arrive là sur le sujet là, est-ce que vous êtes déjà farnaqué ou les pires arnaques que vous avez vécu? Là on a Shaiman qui va passer à l'antenne, on a Nathan là qui nous appelle d'Angleterre aussi, c'est un truc de assez dingue hein. Ce soir il leur arrive un truc très chelou, une sorte d'arnaque, un vol, enfin c'est très spécial là ce qui leur arrive là. Ils sont en voyage scolaire en Angleterre, on va parler avec eux dans quelques instants. Le kiff ta mère aussi est prévu là, et par rapport à Kevin qu'on a toujours avec nous, Kevin tu nous reçois tout le temps là, tranquille. Ouais, c'est Kevin bon, est dans la maison. Okay. Kevin est bientôt dans la prison parce que non, on déconne. Voilà, Kevin, en fait, alors c'est pas son vrai nom. Il a réussi à emprunter 230 000 euros à la banque, plus de 230 000 euros à la banque. Alors pourquoi cette somme en fait? Pourquoi? Parce que j'avais besoin de ça. Oui, mais t'avais besoin de ça ou c'est pour une maison ou un truc dans le genre? Ah, je préfère pas dire pourquoi, okay. Après. Non, il y a pas de problème, t'inquiète, voilà. y a pas de souci. Je veux bien dire la somme, mais après, pourquoi? Est-ce que c'est un truc illégal? Non, mais parce peut-être qu'il a peur qu'on le retrouve. Ouais, c'est ça, parce qu'alors là, du coup, il y a peut-être un mec qui nous écoute au ministère des Finances qui est en train de taper qui a emprunté 230 000 euros environ. Non, quand même pas. Mais après, voilà, je pense que je suis pas le premier, je suis pas le dernier, il y en a plein qui ont dû le faire. Mais après, voilà. Bah, justement. C'est pas le sujet, quoi. Justement, il y a Kevin, toi, tu nous as dit ça. Il y a KSR qui est un auditeur très fidèle qui réagit très souvent là sur le numéro WhatsApp 0492-222-002. Il nous a dit ça, écoutez ça. Ouais, je confirme pour l'auditeur. Hein. En fait, quand une banque fait une demande à la Banque nationale vérifie juste que la personne n'a pas contracté de crédit, n'a pas de crédit en cours. Donc c'est vraiment un système informatique, mais voilà, c'est juste pour savoir si la personne a des crédits en cours et ça s'arrête là. Mais maintenant, s'ils donnent des faux justificatifs, comme c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, qu'ils ont donné des fausses fiches de salaire, ça passe dans 99% des cas. Mais c'est incroyable, ça passe dans 99% des cas, il a dit. Mais ça veut dire que t'es vraiment pas de chat si ça passe pas, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Bon, on vous incite pas à faire, on précise les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Faites gaffe, vous commencez pas à vous dire, oh, c'est bon, je vais faire des fausses fiches. Vous risquez la tôle pour moi à ce niveau-là. Ouais, clairement. Tu sais très bien que tu risques plus en volant de l'argent qu'en ayant écrasé quelqu'un. Mais après, tu le voles pas vraiment parce que je pense que tu le remets. Mais le truc, c'est que... Non, si tu le remets, bien sûr. Attends, si t'as menti et que t'as remis à la banque, au final, que t'as tout remboursé... Tu payes des intérêts sur tes prêts. Voilà, je crois que la banque, ils sont contents, ils vont pas commencer à chipoter, ils vont pas commencer à chercher. Ça, ouais. Si par contre, t'arrives plus à payer, il y a un moment, t'arrives plus à payer. Là, et qu'on a prouvé, et qu'on a réussi à découvrir qu'en fait, tu as menti sur l'octroi du prêt, là, c'est... Là, je te dis pas, l'État, ils aiment pas ça, hein. Ah non, mais c'est ouf, il y a plein de réactions qui arrivent là. Bon, en tout cas, Kevin, attention, tu fais Dark Vador, on t'entend faire des... Kevin, on te souhaite... Ah merde, parce que il n'y a pas de problème, mon pote, t'inquiète pas. On te souhaite bonne merde par rapport à ça. Fais très attention. Ouais, non, mais quand ça je dis... Aller. Parce que voilà, ce que t'as fait, c'est quand même pas cool, tu vois. Parce qu'on parle de l'argent des banques... C'est comme tu disais tout à l'heure. Moi, maintenant, c'est passé. Les dossiers sont passés. Tout est signé, machin. Ils auraient eu. Après, moi, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je pense comme toi. Je pense que dès l'instant où après, t'arrives à payer tous les mois, que voilà, moi, je travaille quand même. C'est juste que j'ai pas le contrat que eux veulent. Mais après, j'ai toujours travaillé. Ah oui. Après, tant que l'argent est rentré sur le compte et que t'es dans le vert et que tu payes ce que tu leur dois, eux, ils ont rien eu. Ils s'en foutent. Ils mettent même pas le nez sur ton compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, t'as osé, quoi. Mais attention, parce qu'il y a quand même faux usage de faux, hein. C'est de l'escroquerie aussi, comme nous dit Jas. C'est, il y a malgré tout, même si, tu rembourses et que t'es en train de rembourser, il y a quand même un côté un peu inégal derrière, tu vois. Je me demande si, par exemple, même si t'arrives à payer et qu'un jour ils s'en rendent compte, imaginons que t'as une maison, t'as payé ta maison, ils s'en rendent compte après. Est-ce que t'es passible de peine, genre, est-ce qu'on peut te saisir? Ouais, peut-être que ouais, parce qu'il y a peut-être que l'État peut se enfin, je sais pas qui, en tout cas, peut récupérer encore un peu plus d'argent en se disant, tiens, tu nous as triché. Après, il y en a qui font des s'ils commencent à voilà, faire ça par rapport aux gens, je pense qu'il y a plus grave dans le monde sur quoi se pencher. Oui, d'accord, mais bon, la loi, etc. C'est pas comme ça. Enfin, tu vois, la justice, c'est pas « Ah, il y a plus grave dans le monde, alors voilà, t'es... » Ah merde, on a perdu Kevin, on a eu un bug dans le standard, on a perdu Kevin, le pauvre. Sinon, parce que Najat a fait une réaction là sur le WhatsApp. Là, hein. Si Kevin est insolvable, en fait, la banque ne sait rien faire pour lui. Donc, s'il paye pas, donc ils savent rien faire. Donc voilà. Ah! C'est-à-dire que s'il a son crédit et qu'il a menti et qu'après il n'arrive pas à payer et qu'il est insolvable. Ils ne peuvent rien faire. C'est une blague. Mais si, ils peuvent se retourner contre lui quand même. Mais s'il est insolvable, ils vont prendre quoi? Oui, non, mais si t'es insolvable, tu peux. Ah, mais si non, t'as là... déjà acheté les trucs, enfin, je sais pas, ou c'est parti dans quelque chose qui n'est pas matériel. Ça tombe à l'eau dans ce genre de cas. En tout cas, on remercie Kevin, peut-être qu'il est en train de nous écouter. Merci à lui d'être passé à l'antenne. Ah, on a récupéré. Bah, on va te saluer, Kevin, quand même. Hein. Ouais, pas de soucis, ça marche. Voilà, bon, fais gaffe quand même avec tes enroules et je te rappelle, c'est quand même illégal, hein, c'est pas cool, tu vois. Mais bon. Mais champion quand même. C'est mon rôle d'animateur, je me dois quand même de te sensibiliser, de sensibiliser les auditeurs qui nous écoutent. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Voilà. Mais bon. Ment encore, y'a R. Allez, bisous, je Kevin, bonne soirée. Hein. Allez, bonne soirée à vous. Salut. Merci, Kevin. Ciao, ciao. Ah, on a Shaima qui est avec nous dans l'émission là ce soir. Allô, Shaima. Oui, allô, bonsoir. Nya Shaima de la maison. Sur Énergie. Ça va, Shaima, tu viens d'où? Ça va, je viens d'Espagne. Oh, trop cool, ça. Donc, je suis là. Ça, d'accord, et tu viens d'Espagne à la base. Oui. Comment est-ce? Un mojito, una paella. Hola, je suis marocain qui fait croire que je suis espagnol. Mais tu es espagnol en plus. Una sangria. Tu sais, on va faire tous les clichés là. Real de Madrid. Tortilla. Iniesta. Je viens de Madrid. Ah, de Madrid. Ça fait plaisir. Tu viens de quel côté de Madrid? C'est parfait. Elle vient d'un côté de Madrid qui s'appelle C'est Parfait. Bon, Shaima, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Tu t'es déjà fait arnaquer ou t'as arnaqué quelqu'un? Raconte. Non, moi, ils m'ont arnaqué. C'était l'année passée. Qui ça? À Liège, en plus, c'était à Liège. Je suis partie chercher un téléphone, un iPhone 6. J'avais contacté le monsieur sur Facebook. Il m'avait dit, oui, vous pouvez venir le chercher. Il est en parfait état, mais je n'ai pas le chargeur. Et moi, comme une naïve que je suis, ben, j'avais cru. Et puis, je suis partie avec mon compagnon. Et voilà. Et je l'ai pris. Je croyais que c'est qu'il était... Enfin, il m'avait dit, oui, c'est à ma fille. Et voilà, maintenant, ma fille, elle n'est pas là. J'ai pas de chargeur. Et j'ai fait confiance. Je l'ai pris. Et une fois qu'on était à la maison, je l'ai chargé. Et il ne marchait pas. Oh non, il fonctionnait pas du tout. Purée. Ça, mais est-ce que alors l'iPhone était cassé ou alors l'iPhone était genre débloqué, bloqué, tu vois? En gros, il avait pas d'écran en fait. En fait, il avait un écran, mais il s'allumait pas. Je suis partie pour au magasin pour lui dire oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il marche pas? Parce que je croyais au début, il m'avait dit non, ça marche. Peut-être que votre chargeur il marche pas au début. Il a répondu encore. Ah ouais. Voilà, il répondait encore. Et après, finalement, quand j'étais au magasin le lendemain, il m'a dit écoutez, madame, cet iPhone, il a l'écran, c'est un faux écran en fait. C'est même pas. Ah, c'est un faux écran. T'imagines en fait, c'est les téléphones pour enfants là. Quoi. Oui, c'était en fait c'est un faux écran qu'ils ont mis juste comme ça. Oh les arnaqueurs. iFraud. Oui. Mais iFraud. Ouais, vraiment. Ah, c'est dingue, ça. Il faut faire attention. Mais c'est vrai que je vais pas mentir parce que c'était 160 euros et je me suis dit, ah ben, tiens, 160 euros, c'est pas bon. Ben ouais, mais vous aussi, ouais. Surtout parce que c'était l'année passée aussi. Il faut se méfier quand il y a un prix qui est tout bas tout le temps. Non, mais aussi, est-ce que l'iPhone, oui, il était hyper léger dans ta main? Pardon? Est-ce que l'iPhone était super léger? Mais si tu l'as jamais vu. Oui, il était léger, oui. Ah mais en fait, comme j'ai pas pris quelqu'un qui se connaissait ni rien, Ouais, et puis tu sais pas forcément, tu te dis, ah tiens, le nouveau téléphone, il a un poids plume, c'est génial. On salue Clément qui est à l'écoute aussi. Shaima, désolé pour toi, en tout cas. Merci d'être passé à l'antenne, en tout cas. Mais merci du coup, et n'oubliez pas, n'hésitez pas à hésiter à aller à la police, Shaima, dans ce genre de cas. Oui, mais écoutez, de toute façon, il a tout. En fait, c'est comme s'il n'existait plus. Le lendemain, cette personne, elle n'existait même plus sur Terre, en fait. Donc, Ouais, tout supprimé. Pour tous 160 les... C'est dingue. Moi, je connais un gars, il est parti avec toute sa famille en Espagne, parce que tu me parles de l'Espagne, là, Shaima, du côté de la Méditerranée, là, plage, etc. Super villa louée pour un mois avec toute la famille. Ils ont versé les acomptes, etc. Et en fait, c'était une connerie, puisque c'était un mec qui était sous une fausse identité, qui a fait genre c'était sa maison. Il a pris des photos de la maison en question, les amis sur un truc, ils ont envoyé beaucoup d'argent pour la compte, puis après ils ont tout versé la totalité au monsieur sur place, voilà la totalité pour, bon, et le monsieur lui dit dit à toute la famille bon séjour, amusez-vous bien. Ils partent, deux jours après les vrais propriétaires sont revenus de vacances. Ils sont quand même rentrés dans la maison. Ils sont rentrés à la maison, ils se sont installés tout ça et les vrais propriétaires sont arrivés, ont pas compris, ont appelé la police est arrivée, ils ont dit mais attendez, on nous a loué. Et en fait, et il paraît qu'il y a plein d'arnaques comme ça, donc méfiez-vous quand vous voyez un truc. Il y a plein d'escrocs partout. C'est dingue, non, franchement, il faut se méfier. Il y a plein d'escrocs partout dans le monde. Merci beaucoup. Avec plaisir, bisous Shaima. Bisous à moi. Au revoir. Ciao, bye bye. Vince, est-ce que tu peux dédicacer encore une fois, s'il te plaît, pour mon père? Merci, bisous à Clément là. Tiens Clément, il a passé un message vocal. T'as dit quoi Clément? Vince est à la maison. Vince est dans la maison. Ouais. Bon les gars, il se passe un truc incroyable. Il se passe un truc très important. Oui, un truc, on a besoin de notre aide là. C'est compliqué. What's happening? Enfin, on a besoin de notre aide. Je sais pas si on va pouvoir réellement aider, mais en tout cas, on a Nathan avec nous dans le téléphone. Allô Nathan? Allô Nathan, tu me reçois? Allô, est-ce que tu m'entends? Nathan est dans la maison! Nathan is in the house because Nathan is right now in UK, United Kingdom. Oh, hello, you're in London. Nathan, ça va, tu vas bien? Bah ouais, nickel, bah à part le blême quoi, mais ouais, sinon ça va. Nathan est en voyage scolaire en Angleterre, dans une famille d'accueil, ils viennent de se faire voler. Là, c'est-à-dire que j'ai eu Nathan sur WhatsApp, on est en train de parler tranquillou. C'était avec toi Nathan ou avec Nico que je parlais? Avec Nico hein? Bah en fait c'est avec Nicolas, c'est Nicolas qui m'a fait découvrir et bah bienvenue, voilà, quoi. Bienvenue, ah bah, ça fait plaisir. Et en fait Nicolas, donc je parlais avec lui, il me dit ouais, si t'as envie, je suis en Angleterre, on peut faire une blague au téléphone, faire un canular, un prank et tout. Et après vous me recontactez en me disant on vient de découvrir qu'on s'est fait voler des trucs. Cambriolé quoi. Et oui et non. En fait, est-ce que t'as plus d'... On va vous expliquer, c'est un truc assez chelou. Nathan, t'as plus d'infos sur l'histoire ou pas toi? Ouais, bah là on a eu un peu plus d'infos, mais ah bon, on en parle après. Bien compliqué. On en parle après, mais en gros, ils sont dans une famille d'accueil et des livres sterling et le portefeuille a disparu dans la maison de la famille d'accueil. Ouh. Ouais, je te dis pas le bordel. Allez. 5 Seconds of Summer, ça s'appelle Youngblood et c'est tout de suite sur Energy. Bienvenue, les 21h49. Winter Maison. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Conversations end like it's the last goodbye. And one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Il est bon ce morceau, 5 hein. Seconds of the Summer. 21h52, bienvenue sur Energy. Merci d'être là, de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Et je vous rappelle pour nous joindre sur WhatsApp. Votre soirée démarre dès 21h sur Energy avec Vince. 0422 222 002. Belgique, Pays-Bas, toujours 1-1. Nous en sommes à la 50e minute de jeu. On vous tient bien sûr informé. Vince, je veux jouer LOL manga manga manga. Ah, ce sera pour lundi prochain, les amis, malheureusement. Ou mardi prochain, on verra un petit peu. Eh, des gens parfois ils sont grave en retard. Ouais. De ouf, il est arrivé vraiment tard là. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Nigel, t'es un sale fou. Voilà, message qui est arrivé. Quelqu'un me dit Vince, on parle des arnaques, Luminus c'est les pires voleurs. Mais non, mais vous savez, je crois que toutes les compagnies d'électricité, à un moment donné, ouais, c'est dans l'abus parfois, c'est abusé. Genre, regarde, je dois payer une facture annuelle à payer. Et ouais. J'ai eu un petit retard sur ma facture mensuelle. Donc ils ont clôturé mon compte et ils m'ont envoyé, en plus de petit retard, ils m'ont envoyé la facture annuelle. Wow. Et moi je dis, mais les gars, pourquoi vous envoyez la facture annuelle? Elle arrive en novembre d'habitude. Ah, mais vous savez, c'est parce que comme en fait vous avez un retard, eh ben on l'a mise avant. Je fais, mais comment ça? Ils l'ont bien mise. Ils l'ont bien mise dedans, ouais, grave. Ça, c'est chez Electrabel. Mais vous savez, bon, on peut tous les citer, hein, Luminus, Electrabel. L'Empiriste, tout ça. C'est tout, voilà. Vince, il me réclame 3500 euros. Vous connaissez bien? Ah ouais, fais gaffe, vérifiez, les amis. Ça, c'est un message que je dois donner à des gens, c'est très important. Vérifiez bien s'il n'y a pas quelqu'un qui est branché sur votre compteur électricité. Ah oui, ça existe beaucoup, ça. Ah ouais, c'est un truc de ouf dans des bâtiments et tout. Si, si. T'as des gens qui sont électriciens, qui s'y connaissent un peu, ils appellent un électricien vite fait, et qui dévient l'électricité, et donc du coup, toi, t'es en train de consommer sur ton voisin. Ouais. Et genre, parfois, tu sais, tes voisins, ils sont là, ils se disent, oh tiens, ma facture a augmenté, oh, c'est peut-être à cause de la nouvelle télé, la nouvelle machine et tout. Alors qu'en fait, non, il y a quelqu'un qui pompe peut-être sur vous, donc vérifiez vos installations, surtout dans les appartements. Ah, allez vérifier en bas, dans votre appartement, dans votre cave, s'il n'y a pas un branchement un peu bizarre, c'est mais très ça important. Ça peut se faire dans les murs hein, aussi. Directement ouais. Chez la personne, ça tu peux pas le voir. C'est horrible quand ça se passe. Bah, les fils ils descendent de haut en bas. Ouais, ouais. Bon, après ça dépend dans quel appartement. Ouais, grave. Mais... c'est la technique de mon père, il était tellement radin à un moment donné, il a dévié l'électricité là où il habitait. J'ai découvert après, bisous à mon papa, je l'ai dit, bah, rest in peace bien sûr. Mais donc du coup, j'étais dans le bâtiment et tout, et je voyais un trou, et en fait, effectivement, il a foré, il a pris l'électricité du voisin. Ils s'en battaient les couilles, mon père, c'est un thug. C'est possible de faire ça quand t'as une maison? Ouais. Oui. Si, ah, même quand t'es dans une maison? Même quand t'es dans une maison, bien sûr. Bah, je sais pas, avec tes voisins, tu veux dire? Ouais, avec mes voisins, ouais. Bah, c'est possible de faire ça n'importe où. Oh, là, c'est du moment c'est où un tu, câble, hein, c'est où un tu câble. Trouves le câble, enfin, tu vois, et grave. Tu fais une déviation. C'est un bête câble, en fait. Hein. Et tiens, d'ailleurs, j'ai découvert que quand tu produis l'électricité, ça faisait tourner le compteur à l'envers. Eh ouais, j'étais pas au courant, j'ai découvert ça. Quand tu as des panneaux solaires, tu produis du courant. Ouais. Et ben admettons tu consommes rien pendant, t'es parti en vacances pendant tout l'été. Ouais. Il y a tes ouais. panneaux solaires qui continuent à fonctionner. Ouais. Ce qui veut dire que tu crées du courant, mais ce courant, tu peux pas le garder. En fait, on ne garde pas le courant, on n'a pas des batteries. Comme ça, vous savez, peut-être que les auditeurs qui le savent pas, mais le courant qui allume votre ordinateur, c'est du courant qui arrive là tout de suite. Il n'a pas été stocké. On ne peut pas stocker l'énergie. Sauf dans une batterie, mais c'est pas des batteries, c'est-à-dire que ce que vous recevez là, c'est ce qui est produit en temps réel en fait. C'est à la vitesse lumière, donc l'électron qui a été produit du côté de la centrale, il arrive tout de suite chez vous. C'est pas gardé. Ce qui veut dire que lorsque toi de ton côté, t'as des panneaux solaires, t'es parti pendant les vacances, tu laisses tes panneaux solaires fonctionner, et ben tu envoies de l'électricité dans le réseau. Donc toi tu produis pour les autres et donc ton compteur tourne à l'envers. Donc en fait on t'enlève de la consommation que t'avais avant. Voilà, exactement. Ça va dans l'autre sens. Exactement. Incroyable. Par exemple, si quelqu'un vient de noter et tu dis, ah tiens, t'es à 10 000. Ouais. Et genre, le mec qui relève le compteur là, annuel, là, et puis il revient et dit, ah bah tiens, t'es passé de 10 000 à 8 000. Eh ben c'est possible. Bah, c'est rare, mais c'est possible. Et dans ce genre de cas, bah en fait. Tu retouches de l'argent en fait. Tu peux retoucher de l'argent. Ah ouais. Ah, c'est spécial comme on roule. Hein. Ah, c'est un truc de ouf. Je connaissais pas, c'est un mec en électricité qui m'a expliqué ça, là. Un gars qui travaille dans les panneaux solaires et tout. Du coup, j'ai envie d'installer des panneaux solaires mais chez moi. C'est pas si simple. Hein. Ouais, ça coûte méga cher. Bon, les amis, on est toujours dans le sujet des arnaques. Là, on va accueillir Marion quand même. Hein, parce que Marion, on a des choses à dire avec Marion, là. Elle est dans le standard. Salut Marion. Salut. Yo, Marion est dans la maison. Bienvenue Marion sur Énergie. Est-ce que la vie est belle, Marion? Oui. Ah bah tant mieux, je suis heureux de savoir. Marion, tu as quel âge et tu viens de quelle ville? J'ai 18 ans et je viens de Liège. Liège. La Côte, c'est le nom. Hey. La Côte, c'est le nom. Péquet. La Côte, c'est de l'eau. Place à Lambert. La Côte, c'est de l'eau. La maison du Péquet, le carré. Oh yeah. Oh ouais. Si t'es avec nous à l'antenne ce soir, Marion, c'est qu'on va téléphoner en fait à quelqu'un de ton entourage et tu vas faire un kiff ton frère, c'est bien ça? Exactement. Donc en fait, on va appeler un mec qui est un ami à toi, mais qui t'apprécie beaucoup, qui t'aime beaucoup même. Mais en fait, il pense même qu'on est en bail. Et que vous êtes en quoi? Hein? Attends, apprends-moi un mot de vocabulaire, s'il te plaît. Apprends-moi. Être en bail, c'est quand deux personnes se tchatchent et deux personnes s'aiment bien. C'est genre avant de se mettre en train être de en bail. Ah, genre quand il y a un bail, en fait, il y a un bail. Ok, ouais, d'accord. C'est en bail, quoi. Ok. Il y a une garantie locative, un bail. Voilà. D'accord, ok. Ah, ouais. Ok, je comprends mieux. Il y a des charges. Moi, je n'utilisais pas le mot bail dans ce genre de cas, tu vois. J'utilisais genre, ils se sont pris la tête, il y a un bail, tu vois. Ah ouais. Mais il y a un bail entre eux. Mais par exemple, même quand deux personnes s'aiment, ouais, je crois qu'il y a un bail entre eux. Ouais. Où il y a un bail? Arrête, parce t'as que je vais bailler. Bail de merde. Alors, Marion, on va appeller donc le meilleur, ton pote, avec qui croit qu'il y a quelque chose entre vous, genre que vous êtes casés, c'est bien ça? Ouais, exactement. Et tu vas faire croire que tu kiffes son frère. Exactement. Mais c'est horrible. Ça va être mais pourquoi c'est horrible, c'est bien grave. Non mais c'est drôle, t'inquiète. Elle t'a dit, elle t'a on dit. S'entend bien, il me pardonnera. Elle t'a dit, mais c'est pas grave. Et c'est, franchement, tu sais, elle est dans le mode de la meuf qui friendzone ouais. Et qui sait, elle sait très bien que le mec de toute façon va être à ses pieds quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un peu la meuf, ouais, tu vois. Non, je genre, et au fait, tu t'es volé ton portefeuille, il y avait toute ta vie dedans et tout. Je t'ai volé ton ordinateur. C'est pas grave, je te pardonne. J'ai emprunté ta carte de crédit. Grave, j'ai acheté de ces trucs et tout. D'ailleurs, belles, hein. Merci parce que grâce à l'argent que je t'ai volé, eh ben j'ai pu aller manger avec mon nouveau petit copain. Oh et le gars. Oh mais c'est bien. Tant mieux, je suis content c'était pour toi. C'était beau ce que t'as mangé. J'espère ouais. que t'as kiffé le moment avec lui. Ouais, cœur. Grave. Bon, allez, Marion, ne bouge pas. On va lancer ça dans quelques secondes. Merci à toi, Marion, d'être là. Et Nathan qui va nous raconter son histoire. Là, ça a l'air d'être vachement chelou. Nathan, on t'écoute. On a quelques minutes avec toi là. Vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Nathan, est-ce que salut. Tu me reçois? Ah ouais, maintenant je t'entends. Maintenant je t'entends. Vas-y, vas-y. Voilà, Nathan. Vas-y, on t'écoute. Ce qui s'est passé, c'est vraiment bien chelou. En fait, on est arrivé, donc on est avec Nico et puis un pote qui s'appelle Lucas. On est arrivé dans une famille, donc trop bien. Mais déjà, on arrive, on sort du bus. La famille en Angleterre. Ouais, vous êtes en Angleterre en voyage en Angleterre. Scolaire dans une famille d'accueil, il faut le préciser. Hein. Voilà. Ok, continue. Et là, il y a une voiture noire qui arrive à toute blinde, qui nous fait limite vraiment, mais un drift, on entendait les pneus, les freins qui prenaient bien cher, avec la musique à fond. C'était la mère de la famille qui venait nous chercher. Ok, donc oh. déjà, t'es, voilà, on a des sortes de baraquis un peu qui sont venus vous chercher. Donc, une voiture qui est arrivée, freinage, machin, tout le bordel. Vous étiez dans le bus avec tous les étudiants de l'école, j'imagine. Ouais. Et voilà, et là ça tue, si ça t'arrive en voyage linguistique. Ouais, ouais, tu dis c'est cool. Et tu ensuite, fais le signe de Joule et tout. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, déjà, on n'a pas très bien compris. On a fait. C'est bien cette personne-là qui vient nous chercher. Oui, oui, c'est elle. Bon, d'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, on y va, on prend tous les petits virages, tous les petits chemins des villages anglais, à je sais pas combien, mais... On vous êtes où en Angleterre? On est à côté de Londres, on est à Orpington. Orpington, ok. Oh, vous, êtes en vous êtes en périphérie de Londres, quoi, ok. Ouais. Très bien, ok, ouais. Mais du coup, c'est donc, cher, on Londres, non virages, genre Paris-Dakar, et on arrive à la maison. On est accueilli avec du rap à fond à la maison. On fait, bah, c'est cool, c'est convivial. Du rap. On arrive. Je crois qu'il y a une erreur de sélection. C'est convivial. Ouais, c'est convivial. Ils sont prêts pour le cul. Tu vois, j'étais là, ouais. Ils sont trop cool. La baronne, elle a 30 piges, elle fume des ouais. Et tu te souviens? Attends, on l'écoute parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Nathan. Donc là, vous arrivez là-bas, c'est votre famille d'accueil. Donc elle est bizarre, c'est une famille d'accueil choisie par l'école, on est d'accord? Ouais. D'accord. Et alors quoi? Donc là, bah, on va à l'étage, on défait nos affaires, on voit un gamin qui vient en haut nous expliquer comment ça marche, il reste avec nous. On fait bon, bah tiens, il veut faire un échange, il veut discuter avec nous, il reste là. C'est l'enfant de la famille, quoi. Oui. C'est quoi? C'est le fils de la famille, enfin, je présume que vous êtes dans une famille avec des enfants. Ouais. Ouais, une grande famille. Ok. Et donc là, je retire de mon portefeuille ma carte d'identité qui est en train d'abîmer mon portefeuille, je la mets dans la pochette devant de ma petite sacoche. Ouais, c'est la sacoche. Oui. Je remets mes livres sterling dans un autre compartiment de mon portefeuille. Ouais. Je rentre. Et là, Lucas sort aussi d'autres choses, par exemple des paquets de gâteaux, des choses comme ça qu'il avait ramené pour le séjour. Devant le gamin. Le gamin, il a vu et, ça. Et il s'est passé quoi après? Oui, ça, le gamin a vu. On descend, on va ramener les cadeaux à la famille, on remonte, le gamin, on arrive à l'entrée de notre porte, et là il nous fait bouh, on fait oh tiens c'est drôle, bah tiens c'est un gamin qui a 7 ans, 8 ans, il veut déconner, ouais. Voilà. Il était quand même dans notre chambre. En fait, il prévenait les autres. Il était dans votre chambre, mais vous avez découvert quoi dans la chambre? Bah là pour l'instant on n'avait rien vu. Les longues, toi, ouais, ouais. Fais gaffe, t'as exactement 5 secondes pour. Parce que, attends, en gros, t'as 5 secondes pour me dire ce qui se passe, sinon on est coupé par la pub. Sinon, dis-le vite, on dis-le s'emmerde, vite. On s'emmerde. Mais non. Oh, je vois. Non, en fait, en gros, je l'explique vite parce qu'on va être coupé. Ils se sont fait tout voler. Voilà, on arrive tout de suite. 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. Je pense qu'il se passe quelque chose entre nous, Paola. Ah bah ça. En tout cas, elle a l'air heureuse. Ouais. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. Mmh. t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'ai vu, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, on va tout casser! Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Vince est dans ma maison! 22h05, les amis, on a Kiffe ton frère qui arrive dans quelques minutes là sur Énergie. Tranquillement, mais sûrement, on va appeler Jordan avec Marion. Mais d'abord, on récupère Nathan là, avec toute une histoire. Oh, une longue histoire. Il est actuellement en Angleterre avec son pote Nico, avec des potes d'école là. Nathan, est-ce que tu me reçois? Ouais. Et Nathan, il nous a contextualisé le truc dans, dans tous les sens. Hein. On attend la chute. Hein. Non, mais il a raison. Alors, bon, Nathan, en gros, vous êtes arrivé, je précise pour les auditeurs qui viennent d'arriver sur Énergie, vous êtes actuellement en Angleterre, cette histoire vient de vous arriver, vous êtes en voyage scolaire. Et quand vous êtes sorti du bus, là, il y a une voiture, des gens un peu. J'ai pas compris le rapport avec son histoire. En fait, il y a des gens un peu ghetto qui sont venus vous chercher. Ouais, c'est ça. Et vous êtes arrivé dans une famille d'accueil où il y a beaucoup d'enfants déjà, il y en a combien? 9 enfants. Oh. Ouais, mais c'est un foyer. C'est pour ceux qui ont vu Ali G, on est un peu dans une sorte de famille un peu comme ça, tu vois. Il est tombé dans une équipe de foot. C'est grave. les baraquiers anglais en plus. En plus, j'ai regardé. Non, mais c'est les baraquiers anglais, vraiment. Je connais même pas leur nom. Ils ont des noms aussi. Si, les baraquiers anglais, ça existe. Les hein. Cockney. Et laisse tomber, je crois que s'il y a bien un pays où j'ai été. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour l'Angleterre, hein, big up l'Angleterre. Ouais, t'as beaucoup de respect. Mais je te jure, j'ai été en Angleterre, en périphérie de Londres. Il y avait des gens, ils se baladaient en pyjama en rue, quoi. Bah, ici aussi. C'est Marcinelle x10, quoi. T'abuses. Je salue Marcinelle, je le taquine, je vanne un petit peu. Mais voilà, mais x10, c'est pas une blague. Ouais, mais en fait, les baraquis en Angleterre, tu dis des gypsies. Des gypsies, ah ouais. Ouais, gypsies. C'est drôle. Parce que les gypsies, c'est des gitans normalement. Ouais, bah, ils appellent ça des gypsies. On appelle ça les cockneys. D'accord. Bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup. Des coques, quoi. Cockney accent. Tu sais, les gens qui parlent un peu comme ça. Ouais, ah ouais, c'est comme ça qu'ils parlent là-bas. Cockney accent. Yeah, that's right, from London. Southampton, Glasgow. Voilà. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un qui vient vous parler dans un anglais cohérent et correct, qui est celui de Lara, par exemple. Hi, my name is Lara. Ayez confiance. Si vous entendez quelqu'un qui parle comme Nigel. Hello, I'm from London. They have some information about the country. Alors, faites super gaffe. Ah, bah si. Méfiez-vous. Surtout s'il parle comme le mec dans les parce que c'est le mec dans les Simpsons là, l'Irlandais là. C'est qui? Je sais pas, Willy Irlandais là, pour ceux qui ont regardé en version originale. Ouais, faut regarder en version originale. Hein. Ouais, mais il parle genre Yeah. I'm living in Springfield. Springfield. For God's sake. What's your name? Omar Simpson. C'est très spécial. Bloody hell. Ouais, c'est très spécial. Hein. Enfin bref. Bon, entre temps, Nathan, donc là, pour l'instant, vous êtes retrouvé dans une famille un petit peu bordélique. Et il y a des trucs qui ont disparu en fait. Nathan, on t'a volé quoi, toi? Bah ouais, en fait, moi, on m'a volé mes 46 livres qui est équivalent de 60 euros. Lucas, en fait, il s'était fait choir son portefeuille parce qu'on l'avait pas retrouvé. On a pris 10 minutes le matin pour le retrouver. Et là, on revient et on fouille dans sa valise. En gros, on n'avait pas fouillé le matin. Et là, on le trouve pas. On refouille dans son sac. On avait vidé sur son lit ce matin. On recharge dedans. Et là, on retrouve son portefeuille avec tout dedans, mais bien rangé, alors que c'est un mec bordélique. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que... Ils ont fouillé. Il y a eu un truc. Il a été remis là, en fait. Mais vous êtes dans la bonne famille ou c'est quoi? Quel est le rapport entre le drift, enfin, les gens qui ont fait un drift avec une bagnole? C'est juste que, voilà, c'est une famille atypique, en fait. C'est vraiment ghetto, quoi. C'est une famille atypique. Ils sont arrivés, tu sais, c'était... Voilà, et donc vous devez rester là-bas combien de temps? Bah, on reste là-bas une semaine, on est arrivé lundi. Ouais, mais c'est chaud quand même, parce que s'il y a déjà eu des histoires de vol et tout. Ça. Vous devez le dire, vous l'avez dit, j'espère. Vous en avez parlé à votre prof? Bah ouais, on en a parlé avec les profs, donc c'est pour ça que l'histoire a été bloquée au moment de revenir. Au moment où on est descendu du bus pour rejoindre nos familles aujourd'hui, la dame en question qui devait venir nous chercher a parlé avec celle qui s'occupe d'organiser les voyages, avec qui on a parlé de ça, qu'on a retrouvé notre argent. Et là, la personne a repris sa voiture et est repartie à toute blinde chez elle. Ah ouais? Attends, donc ça, ils vous ont laissé là comme ça, en fait? Ouais. Oh, mais c'est un truc de ouf, mais ils sont fous, là. Mais du coup, c'est vraiment une erreur de casting, comme tu dis, parce que c'est bizarre. Mais en même temps, le casting qu'ils font, c'est un peu aléatoire. Vous avez déjà été dans des familles d'accueil en voyage linguistique. C'est un peu random. Chacun tombe dans des trucs différents. Tu vérifies quand même la sécurité des enfants, tu fais gaffe. Tu crois vraiment qu'ils vont chez eux tout? Bah, je me dis quand même, tu vérifies dans quelle famille d'accueil c'est. Donc là, en fait, en gros, vous êtes supposé passer du temps là-bas, sauf qu'ils sont partis là. Ils vous ont laissé, ils sont cassés. En mode, c'est quoi, on n'assume plus. Ouais, donc après, on nous a dit qu'ils étaient retournés chez eux, que là, après, on allait repartir avec la personne qui gère le voyage, qui a organisé tout ça avec notre collègue. On est retourné dans la famille pour aller vérifier que toutes nos affaires étaient bien là. On est remonté, on a géré toutes nos affaires, on a tout fouillé. C'est là même qu'on a retrouvé le portefeuille de Lucas. Voilà, qui était rangé comme par hasard. C'est archi long pour tes histoires. Mais non, mais il raconte, laisse-le raconter. Fais pas gaffe. Nathan, il nous connaît pas. Nathan, il sait pas. Il découvre énergie. Donc, Nathan, je te présente Nigel. Nigel, c'est un connard. Ouais, tu casses les couilles. Voilà, comme ça, tu sais. Donc, fais pas gaffe à lui, Nathan. Mais entre temps, là, maintenant, c'est bon. Vous êtes en sécurité ou pas, là? Bah donc là oui, si ça continue, on va devoir être bougé dans une autre famille d'accueil, mais on va être avec des gens d'un autre voyage en Allemagne. Donc bon. D'accord. Bah, Nathan, tu sais quoi? Au lieu de dire oui et de pas casser les couilles. Oui, mais il raconte. En fait, Nathan, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que demain on va t'appeler pour savoir comment ça s'est passé dans la famille d'accueil. En Allemagne? Mais non, il est toujours en Angleterre. Je comprends rien. Nathan, te fait un bisou et bisou à Nico aussi. Et tu le remercies d'être à l'écoute de l'émission aussi, hein. Non, pas de soucis, il est là, juste là. Eh ben ça va, bon, on le salue alors. Merci à toi, Nathan. Bonne soirée et bon courage, les gars. Et tenez-moi informé sur WhatsApp la suite des aventures. Hein, Dédicace à mes potos. Voilà. Dédicace. Bisous. Dédicace au voleur de portefeuille. Ouais. Mais sérieux. Good luck. Take care of you. À bientôt. Ciao, les gars. Portez-vous bien. Allez, on récupère Marion dans le standard. Marion, est-ce que t'es ready pour faire ce soir le. Yes. Ton frère. Ah. Ready? Yes. Parfait. Marion, on va téléphoner à Jordan. Qui est un mec qui pense qu'il est en couple avec toi, si je comprends bien. Bah ouais, qu'on est en train de se mettre en couple. Que c'est en train de se faire. Mais toi, dans ta tête, il n'y a vraiment rien, quoi. Bah, clairement pas. Ah, rien du tout. Mais comment ça se fait que lui, il arrive à croire alors qu'il se passe un truc entre vous? Bah en fait, je suis quelqu'un d'hyper sociable, donc je vais hyper facilement avec les gens, je m'entends très très vite avec les mecs. Ah, ça c'est... Soulant. Donc du coup, cette année, septembre, on était tout le temps nous deux, on est vraiment deux acolytes. Et donc là, il commence à emboucher des propos un peu bizarres. Ouais, là, ça commence à dévier de l'autre côté. C'est incroyable le nombre de mecs qui pensent que ça y est, dès qu'une fille est gentille avec eux. Tu vois, il y en a plein comme ça. Ouais. Quand une fille, elle est cool, elle est gentille, mais genre, il y a des filles, elles sont ouvertes d'esprit, elles sont un peu tactiles. Les filles qui sont tactiles, ça tourne le cerveau des mecs. Hein. Les mecs, ils pensent que ça y est, ils sont persuadés. Ou alors, t'as juste des mecs tactiles. Ou alors t'as juste des mecs tactiles et après les meufs elles sont là, ah putain ouais, il me colle trop. Ouais, ça c'est vrai aussi, c'est aussi l'inverse. Quand t'as un mec qui est tactile, la meuf elle se dit, ah ouais, ça y est, il veut de moi, je suis sûr, il me veut dans son lit. Du coup, ça marche dans les deux sens. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, dans un les sens. Les gens tactiles ils foutent la merde en vrai. Putain, alors qu'en fait, juste tactile quoi, point barre. Oh, je suis tactile, c'est tout. Il y a Slime qui me dit, c'est la friend zone. Bah non, c'est pas vraiment la friend zone puisque là c'est le kiff ton frère, donc elle va le piéger, le gars qui le kiffe. Le gars qui la kiffe. elle va le piéger en faisant genre qu'en fait elle a des sentiments pour son frère à lui. C'est horrible. Ah ouais, mais heureusement c'est une blague. C'est très horrible. Heureusement c'est une blague parce que c'est vrai que c'est horrible. Allez, on arrive dans quelques instants pour lancer ça, les amis. Merci à vous d'être connectés. Là, il y en a plein qui sont là sur le WhatsApp ce soir. Il y a Snap, il y a Zoubaïr, il y a Najat, là, Antoine 61 aussi, Tony, Malika, coucou la team. Merci Malika pour ton message là. À Sartori aussi, Peno qui est là, il y a Nassia, Myriam aussi. Qui demande, Nigel, il a quel âge? Est-ce qu'il est célibataire? On nous demande. 12 ans. Ah, moi j'ai 40 ans. Est-ce que t'es célibataire? Elle demande Myriam. Non. Oh, désolé Myriam. Oh, pas de bol Myriam. On arrive. I'm the 21st century boy. I'm the 21st century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm the 21st century boy. I'm the 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try. He's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century toy. Sur Énergie, mon nom c'est Vince. On est là ensemble de 21h jusqu'à minuit. Et enfin, on respecte jamais minuit. Vince est sur Énergie. On se la joue généralement très très tard. Vince est dans la maison. On Energy, 22h17 les amis. Belgique, Pays-Bas, il reste 15 minutes à jouer. Or, arrêt de jeu et c'est toujours 1-1. Bon, j'espère qu'on va quand même les manger là, les oranges là, ça ferait plaisir. Enfin, les oranges qui jouent en bleu ce soir, hein, je le précise. Les amis, avant qu'on se lance dans le Kiffe ton frère avec Marion, puisqu'elle va téléphoner à un gars qui visiblement a des sentiments pour elle, elle va lui faire croire au gars qu'elle a des sentiments pour son frère. Je vous dis pas le bordel. C'est hein, dégueulasse. Ah ouais. Et il y a Edwin qui nous dit gros big up à Christina. Message bien passé, Christina Andreas. Vince, non, j'ai bien compris le jeu. Vince, si jamais vous voulez venir un soir, dites-le moi sur WhatsApp. Je vous écoute qu'à partir de 23h30. Je sais pas, il m'a même pas dit venir où en fait. On voulait venir, mais je vous écoute qu'à 23h. Faut que je le précise. On où, viendra hein. À 4h. Et on salue. Et il y a Isabelle qui le dit, Vince, c'est vraiment galère pour vous capter en FM à Verviers. Energie.be/player, ma chérie Isabelle. N'hésite surtout pas, energie.be/player. Les amis, avant qu'on se lance là-dedans, j'ai tout de suite pour vous. Une scène culte du cinéma, des jeux vidéo, des séries. Si vous trouvez, vous repartez avec des cadeaux énergie. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Je lance ça tout de suite. C'est extrêmement simple. Vous l'envoyez sur le numéro WhatsApp qui est le 0492 222 002. Le 0492 22 0 02 ou alors au 30 18, ça marche aussi, on y va. Oui, enfin si ça se trouve, vous l'avez dit. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah. Oui, c'est tout. Hein ouais, je peux mettre un peu plus, mais j'ai envie de voir s'il y a des gens qui trouvent déjà avec ça. Remets ça. Tu veux que j'en mette un hein? Ok, ça va, je vais remettre. Attention, c'est parti. Oui, enfin si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pour... Voilà, c'est tout. Bah, on reconnaît déjà la voix de l'acteur. Bah, peut-être pas. C'est en version française, en tout cas. Hein. Si quelqu'un trouve avec ça le peu d'infos, je dis respect. 30-18, les amis, si vous avez la bonne réponse. Ou alors 0-400-92-222-002 sur WhatsApp, je précise. On m'envoie Hunger Games. Non, c'est pas Hunger Games. Vince, laisse couler, s'il te plaît. Ok, attends, je vais laisser couler. Laisse couler quoi? On y va. Oui, enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué. Mais pourquoi on est ici exactement? Fiston? Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Eh, hey, c'est connu, ça. Attends. Mais tu t'es grillé, non? Mention. T'as dit quoi? Il s'est pas grillé dans la phrase. Bah non, pourquoi? Je sais pas, il a dit Captain America. Non. C'est pas ça. C'est pas Captain America. Bah non. C'est pas Captain America. J'ai cru que t'avais fait une gaffe. Non, du tout, j'ai bien vérifié. Non, t'as que quoi là? Attends, je le remets une dernière fois, si écoutez bien. Trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement? C'est pas Full Metal Jacket. Fiston? C'est pas mon quête. Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Voilà, si vous trouvez, bah allez-y. Si vous avez la bonne réponse, les amis, bon courage à vous. Voilà. Je peux pas donner. On me demande, Vince, donne le nom de l'acteur. Non, je peux pas. Il y a des gens qui trouvent la bonne réponse en plus. Il y a un indice dans cette émission. En tout cas. Grave, je le précise. Et un message qui arrive au 30-18. Salut Vince, que je peux passer un message. Le message, c'est qu'il faut faire attention au harcèlement. Moi, ça fait 7 ans d'affilée que je me fais haïr, quoi. Harceler. Ah, ok, ouais, pardon. Harceler, ouais. Et j'ai jamais parlé. J'ai failli rater mon année à cause de ça, Selma. Selma. Ma chérie. Ouh. Mais tu veux, on peut t'appeler pour en parler. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Quel arrêt de Mignolet? Ouh. Attends, mais il y a quelqu'un qui parle d'harcèlement, toi tu parles du foot. Parce que Mignolet se fait harceler par l'équipe hollandaise, là, pour l'instant. Selma, c'est très bien que tu nous en parles. Si jamais tu veux, on peut t'appeler pour que tu puisses sensibiliser les personnes qui nous écoutent, parce que le harcèlement, malheureusement, est quelque chose qui est vachement omniprésent dans nos écoles et même dans nos boulots. Hein. Donc, on essaye, bien sûr, aussi avec cette émission d'endiguer le phénomène, mais voilà, c'est un travail de tous les instants et de tout le monde, je précise. Marion, attention, ma chérie, est-ce que t'es prête avec mon micro? C'est mieux. On téléphone tout de suite à Jordan. T'es prête? Yes. C'est parti, on appelle, let's go. On appelle Jordan, elle va lui faire croire qu'elle a des sentiments pour son frère, alors que Jordan a des sentiments pour elle. Pour elle. Pas de bordel. Alors, ça n'a pas sonné, on réessaye. Là, ça sonne. Là, ça sonne. Oui, on l'entend. Allô? Merde, ça s'entend pas. Voilà, là ils vont s'entendre. Allô? Allô? Ouais, pourquoi tu me sens en masqué? Ben, je te sonne pas en masqué. Ben, je sais pas, enfin, c'est pas grave. Ça va? Ouais, si, on appelle avec la radio. Ça va et toi? Ils nous entendent pas, je précise. Ouais. Tranquille. Tu fais quoi? Bon, pas grand chose. Enfin, comme d'hab. Comme d'hab? Ouais. Tranquille alors. Et toi, t'as déjà vu ton frère? De quoi? T'as déjà vu ton frère depuis qu'il a montré ton voyage? Ouais, je l'ai vu hier, apparemment vous êtes du samedi. Bah ouais, on s'est vu samedi dans l'après-midi, je pense. Ah ouais? Et quand après-midi? Bah après qu'on soit vu. Oh. Après qu'on soit vu. Oh my god, pression. Genre 2 heures après ou quoi? Enfin, Bah ouais, enfin je vois pas pourquoi ça te dérange, vu comment tu m'as jeté. Oh. Bah comment je t'ai jeté? Comment tu m'as jeté? Je sais pas, en même temps. Tu m'as parlé ou quoi? T'as cru que j'étais qui? Bah allez, mais quoi? Il y a eu un truc ou quoi? Ah ouais, jaloux. Ouh là là. Mais mec, c'est ton frère, il a juste voulu me réconforter et voilà. Bah, en soi, je t'ai pas dit des trucs méchants, quoi. Enfin, je comprends pas, mais c'est pas grave. Mais quoi, il y a eu un rapprochement ou tu l'as. Enfin. Non. Ah ouais, donc directement le mec. Tu veux savoir, vraiment? Enfin, fais pas ton. Tu me souviens que c'est ton FBI là? Ouais, je l'ai pécho, et alors?

Incroyable. Attends, Marion, on le rappelle. On le rappelle. On est dans la blague, hein, mais. Ah ouais, mais toi, tu n'as aucune hésitation. Le pauvre, c'est le pauvre, parce que moi, ça me fait mal au cœur pour Jordan. Hein, oui. C'est horrible. Donc, on précise, Marion est une grosse chouin. Ouais, non, mais Marion, c'est pas cool ce que tu fais. Ah, vraiment. Mais bon, mais nous, on est complices. Allô? Non, non, bon. Plus que ça. Ouais? Quoi? On va lui dire c'est une blague. Mais mec, pourquoi tu raccroches en fait? Non, le pauvre quoi. Parce que tu me dégoûtes, tu veux s'exagérer, bordel de merde. Parce que t'assumes pas que t'es une pute, que toi t'as non, pas. Mais non, non, je peux pas, c'est continué. Je peux pas dire comme ça. Mais putain, mais. Ne parle pas comme ça, c'est quoi ton problème? Bon Dieu, mais je te fais quoi de mal? Marion est dans une blague, en fait elle le piège, hein, mais. C'est pour me dire comment je vais te parler. Mais toi, t'es qui, bordel de merde? Grosse, tu fais vraiment trop la traversée, c'est exagéré, mais tout le monde. Pas sur ta gueule, c'est que. Putain, j'ai jamais vu. Pas sur ma gueule, waouh, bien, ouais, et t'es encore un gamin à croire que ce que les gens disent sur ma gueule, en fait. Mais non, là, je vois bien. T'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité. Non, mais elle est méchante! T'as 20 ans, t'es encore à l'école? Et alors? Tu fais un coma? C'est le problème. Et toi, tu fais quoi? T'as 18 ans, tu fais quoi? Tu fais juste la grosse biche, toi, de quoi? Enfin, je sais pas. Moi, je profite de la vie. T'as pas d'honneur, t'as pas problème. Moi, je profite de la vie, on met des doigts et je prends de l'argent. T'as fierté avec ça, gros. C'est quoi? Enfin, tu fais quoi? Oh, on t'a jamais éduqué ou quoi? Tu sais pas te défendre, c'est pas ma faute. On t'a jamais éduqué ou quoi? Mais t'es ouf, toi. Non, mais mine de rien, il a du répondant, il a raison. Hein. Ouais. Bah, à l'aise, bah ouais, je parle de ton éducation, on t'a jamais éduqué. Il de la bah, ouais, mais c'est quoi le rapport? Alors, je gagne mon argent comme je peux, c'est tout. Oui, bon, bah non, c'est pas très légal. Bon, je vais on s'en mêle, hein, parce que. Ouais. C'est un minimum. Jordan! Allez, ouais. Jordan! Allô, salut Jordan! Ouais. Salut, ça va Jordan? Ouais, c'est qui? Ouais, je suis un pote à Marion, moi. Enfin, un pote. C'est une connaissance vite fait. Voilà. Non, mais tu veux quoi? Bah, en fait, c'était pour t'annoncer que c'était une blague, t'es en direct sur Énergie. Ouais! Voilà, c'était une blague. C'était une blague. Mais, alors, bon, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte et on va de nouveau mettre des petites claques à Marion un petit peu parce que là. Bah, ah ouais, alors... Jordan, faut t'avouer que. C'est une chouette depuis le début. Voilà, alors bon. On le sait. Voilà, Jordan, Marion, t'as une certaine affinité, Marion, pour profiter des mecs, toi, un peu, non? Si, hein, oui, bon. Marion. Il le sait bien. Alors, je t'explique, Jordan, elle voulait te piéger parce que je crois, Jordan, t'aimes bien Marion, toi, non? Bah ouais, ça va. Gros fuit. Voilà. Et en fait, elle voulait te faire une blague à la radio en faisant croire qu'elle kiffe ton frère, mais il s'est rien passé avec ton frère, il y a rien eu, c'était une blague. Alors nous, sur le coup, on se dit ça va, on rigole et tout. Jusqu'à ce qu'on remarque que Marion, on la connaît, puisque Marion... Marion la biche tout. Elle a son curriculum vitae sur énergie, hein, bien sûr. voilà, et franchement, j'ai eu mal au cœur à un moment donné pour toi, Jordan, parce que Marion, c'est une blague hein, que tu fais à ton pote. Pourquoi tu l'enfonces comme ça, là? T'es méchant. Mais c'est pour rire, je suis pas méchante comme ça avec lui en vrai. On a l'impression que tu pensais tout ce que tu disais. Mais non, vous comprenez pas. La vérité. Dis-nous, Jordan. La vérité, je dis pas le deux. Ah, mais je sais pas parce que. Ah, il assume pas. Je crois qu'il assume un peu moins là. On va remettre la chérie à la bœuf parce que c'est pas bien pour le commerce et tout, tranquille. Pour le coup, tu le mec. Hey, j'adore parce que. Alors, les amis, vous venez de loin, non Marion, tu viens de loin, toi. Bah ouais. Comparé à Bruxelles, je veux dire, c'est loin. Comparé à Namur même, comparé à Liège, c'est un peu. C'est dans le sud, c'est dans les Ardennes, non? Ouais. Voilà, comme quoi faut arrêter les gens dans les grandes villes pour la meuf parce que visiblement dans les campagnes on s'en fume pas mal hein. Ça fait bon Jordan, je vais pas voilà des Jordan, il y en a des tonnes, on n'est pas là non plus. Il y a des vaches partout. Voilà, si oui, merci. On n'est pas là pour t'incriminer, pour te pointer du doigt Jordan, mais bon, tu sais, je suis pas ton père, mais c'est pas cool ce que tu fais quand même, tu le sais. Ouais, j'avoue. Et vendre des psychotropes, t'es pas pharmacien, tu vois. Et puis, c'est illégal quand même, tu vois, ce que tu fais. Hein. Mais c'est pas le propos. Ouais. C'est pas le propos, mais bon. On fait son procès, là. Non, j'ai pas envie de faire son procès, mais je tiens juste à le sensibiliser. Fais gaffe, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, tu vois, dans l'avenir. Et fais gaffe au choix. Moi, j'ai quelque chose à te dire, Jordan. Ah bah, alors, je le dirai juste après. En fait, Marion, elle te kiffe. Voilà, je suis sûr qu'il y a elle un petit dit dans l'histoire. Voilà, fous la merde. Complètement. Et on vous plein de bisous, les amis, on arrive tout de suite. 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle.

le soir quand tu sais pas quoi faire. Dès 21h. Ah, c'est chelou. Il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince, c'est sur Énergie. Allez, connais par cœur. 21h, minuit, tous les soirs. Vince est sur Énergie. Oh, putain. Bien dit sur Énergie. On n'a même pas besoin de mettre le casque. Je te jure, franchement, les jiggles, à un moment donné, ça va être nos voix parce qu'on les connaît par cœur. I just want some sushi from Japan. 21h minuit, Vince, sur Énergie. Bienvenue sur Énergie les amis, j'espère que ça va bien là. On est chill, on est ensemble là. Merci à Pamela d'être à l'écoute là. Je lui ai fait un résumé sur WhatsApp parce que oui, je peux aussi vous envoyer des notes vocales et c'est ça qui est magique sur WhatsApp. Pendant que vous m'en envoyez, donc moi en rentaine, je vous en envoie aussi. 0492 222 002. Vous pouvez toujours envoyer quand vous arrivez, vous branchez dans l'émission. Vous pouvez toujours envoyer en note vocale votre prénom avec dans la maison, par exemple. Yeah. J'espère que je sais pas ce qu'Alex m'a fait. Alex, il m'a envoyé un truc. Ça dit quoi? La sacoche. Vous avez oublié 22h22. 22h22, c'est vrai, on l'a raté. Je remercie les auditeurs, il y en a plein qui ont envoyé ça. Ce garçon ou cette fille qui fait ça. C'est Alex, un garçon. Ouais. Alex. Mais non, mais je sais pas, il susurre, wesh. J'ai toujours l'impression, je sais pas, tu te souviens du film Le Cercle? Ouais, The Ring. Seven Days. Et on sait combien, vous savez. 22h22. C'est horrible, 22h22, il fait peur à la longue. Hein. Oh, non, pense poche. Et Florian, ça dit quoi, Florian? Lara, tout le monde te baisse, frère. Non, Florian, toi, non. Et toi, la tête Florian, d'homme. Allez, hop, je te mets en bouton rouge. Eh non, mais lui, mais qui là, il se fait enculer, celui-là. Florian, c'est gratuit. Non, mais attends, il me dit un truc, vous décidez à ma place. peut-être que je suis d'accord, tu vois. Eh ben, attends, il a dit quoi avant? Je veux dire, c'est tout à fait arbitraire. Il a dit quoi, là, toi? Bonne bande d'enculés. Bonibon d'enculé. Mais Florian, quelle est cette haine? Pourquoi ton de rage? Ne sois pas si vulgaire. Je comprends pas ton message à Lara d'ailleurs. Lara, tout le monde te baisse, frère. Frère. Et en plus, t'as dit frère à la fin. Bon, Florian, c'est pas bien. Je vais te mettre en silence. Voilà. Silence ouais. Pendant 8 heures. C'est pas bien, non, mais lui, voilà. Ça se voit, sa daronne, elle a couché avec son ref. Non. Pas ça cool. Se voit, il est dans son. Ah, peut-être qu'il s'excuse. Attends, oui, peut-être. On écoute. Il m'a envoyé une note vocale. Ça dit quoi? Nadjel aussi, je te baise. Tu vois, hey, Florian, ne sois pas vulgaire comme ça, toi aussi, c'est pas cool. T'as Daron qui a trois tétons. Là. Oh là là. Attends, il m'a envoyé encore un, qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, sérieux, les gars, tranquille. Voilà, tranquille. Hein, dès que j'ai dit les silences, ça y est, il a eu peur. Hein. En tout cas, il y a Cédric qui est connecté aussi là. Salut les gars, je finis mes devoirs maintenant. Je vous écoute dans mon lit. Eh ben, ça fait plaisir. Et ça dit quoi là, du côté de où là, Steven? Un long message, 36 secondes, Steven. Qu'est-ce qui se passe? Un peu la maline. Oula, non, ton message il bug, hein, j'ai pas compris. Il a dit il fait la maline, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais de rire comme ça, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je t'attèche son message vocal comme du pipi. Antoine. Ta mère, elle est tellement. Non, bah... Quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés en même temps. Classique. Non, je connaissais pas. Bon. Hello poteau, salut à toi là. Bon, attention les amis, je vous repasse tout de suite la scène culte du cinéma de ce soir. Si vous trouvez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3018 ou alors sur le WhatsApp 0492 222 002 sur WhatsApp 0492 222 002. On y va. Oui, enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement? Fiston? Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre capitaine America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Voilà, alors ça vient d'où? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez. Je peux vous donner un petit indice. Et c'est facile, hein, franchement. Moi, j'ai un indice. 0492 222 002. C'est quoi ton indice? Vince. Pourquoi Vince? Pourquoi? Ah, ouais, grave. Attends. Ouais. Okay. D'ailleurs, demain le prix descend. Ah bon, c'est vrai? De ouais. Quoi? Voilà. Diesel? Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça a rien à voir. C'est rien pas à voir avec Vin Diesel. Ça a rien à voir avec Vin Diesel. Je pensais une Vin Diesel. Mais non, Vince. Dedans. Dedans. Tout sur le titre de ce film, en fait. Ah oui. Ça, c'est le début de la musique de ce film. Si vous voulez, je vais augmenter. Vous avez reconnu, c'est bon? Ben voilà. On m'a envoyé Avengers, First Avengers, c'est pas ça. Captain America, c'est pas ça. J'avais déjà dit que c'était pas ça. Vin, désolé, il y a foot. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, enfin, le foot est fini là. 1-1, Belgique, Pays-Bas. Là. Alors, Independence Day, c'est pas Independence Day. Vince, que c'est un film avec Will Smith. Oui, voilà. Bonne réponse. Bon, vous entendez derrière, c'est le début de la musique. Si vous voulez, je peux vous mettre deux temps. Deux, un, deux, un, deux, quatre temps. Attention. Mais t'as donné la réponse, toi aussi. J'ai pas donné la réponse. Mais si, t'as donné la réponse. Mais non, j'ai dit winning, guys. Ouais. Le mec, il se rattrape. Incroyable, ça. Oh là là. Bon, les amis, j'ai le plaisir d'avoir ce soir dans l'émission Marie qui est avec nous. Marie est dans la maison. On a un jeans. Dans la maison. Ouh, ça va, Marie? Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu viens de quelle ville, dis-nous, Marie? Liège est dans la maison. La grotte, ouais, c'est de l'eau, hey. La grotte, c'est de l'eau. Liège. La grotte, c'est de l'eau. Liège. La grotte, c'est de l'eau. Oh yeah. La grotte, c'est de l'eau. Ok, salutations à Martin, merci pour ton message. Ah bah t'inquiète pas, on est là, hein, Marie. Marie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? On voulait parler un peu de sexisme là, parce que j'ai reçu des messages d'auditeurs, beaucoup d'auditrices qui m'envoient des messages de voilà, qui veulent pas forcément passer à l'antenne, mais qui voulaient qu'on aborde le sujet ce soir, qui travaillent dans différents métiers et qui subissent toujours du sexisme, notamment ça c'est un message que j'ai reçu sur ma page Facebook, une femme de ménage qui arrête pas de me dire que partout elle va faire des titres service, c'est constant que des mecs commencent à avoir un peu la main dessus, à toucher, à faire des allusions sexuelle constamment, et elle me dit c'est incroyable, surtout qu'on a elle m'avait précisé c'était quoi que son métier donne l'impression que c'est un sous-métier, c'est pas du tout un sous-métier, il y a pas de sous-métier, je tiens à le préciser, hein, tout se complémente bien sûr. Mais de toute façon, on touche toujours de l'argent dans les métiers, donc c'est des sous-métiers. Des sous-argent métiers, joli, joli. Oh là là là là. Oh, commerce. T'as la blague, elle a pété une vitre, quoi. Ça va, faut pas non plus. Et donc du coup, elle expliquait que voilà, comme elle est femme de ménage, bah parfois ils commencent à proposer un peu des extras, des trucs dans le genre, et elle trouve que elle vit difficilement. Et donc s'il y a des femmes qui nous écoutent, ou peut-être des mecs, hein, attention, ouais. Attention, parce que c'est vrai, on en parlait en rentrée, on se dit ouais, mais le sexisme existe. Également dans l'autre sens. Ouais. Alors, Lara, petite notion, petit côté dictionnaire, le sexisme, c'est quoi? Je suis de la merde. Alors, attends, comment est-ce qu'on peut définir ça? C'est une attitude. C'est ramener la personne à son sexe et pas à ses compétences. Est-ce que c'est ça? Oui, déjà, ouais, c'est une définition extrêmement réduite du truc. Mais c'est clairement ça. Hein. C'est une discrimination liée au sexe, en fait. C'est genre, par exemple, à son identité sexuelle. Un cliché, par exemple, on est dans un milieu de travail. Ouais. Il y a une réunion. Et par exemple, il y a une femme qui n'est pas d'accord avec les autres personnes dans la réunion. Et un des mecs, dans cette réunion professionnelle, dit « Ouais, bon, ça va, elle a ses règles. » C'est horrible. C'est du sexisme. C'est du sexisme. Moi, je me rappelle d'une réunion avec Lara, je ne citerai pas où, où il y a un mec qui a commencé à faire mention de tes seins, ou je ne sais plus très bien. Oui, là. Oui, bah, classique. Ouais, et là, j'étais choqué. Pendant cette réunion, j'étais choqué. Je me suis dit, merde, putain, le mec est à cet emploi-là. Enfin, il a été viré entre temps. Il s'en est pris à Lara. Ah ouais, merde, oui, il s'en est pris à Lara. Oui, c'est parce que c'est monté haut. Hein. C'est pas ce qu'il lui est. C'est parti en sucette. Hein. Bah, c'est normal. Mais voilà. Ça ne se fait pas. Et c'est incroyable parce que j'ai bossé beaucoup dans les médias. Dans différentes différentes maisons, et c'est incroyable de j'ai l'impression que dans les niveaux de pouvoir, tu sais, les médias c'est un niveau de pouvoir assez puissant, hein. Ouais. J'ai l'impression que l'entreprise en général, ouais, c'est un milieu d'hommes, enfin c'est la plupart du temps, et les femmes ont, mais non, tu vois, même ça, quand tu dis ça, moi je suis pas d'accord, parce que c'est ce que les gens veulent penser, ils veulent faire croire que c'est un métier d'homme, alors que non. Parce que s'il n'y avait pas de femmes, genre, tu vois, les secrétaires et tout, pour ben pouvoir... Mais voilà, les secrétaires. Mais non, attends, les secrétaires. Les secrétaires pour bien tout structurer et tout. Mais après, moi, je trouve qu'il y a plein d'entreprises qui fonctionnent très bien et où il y a des femmes qui sont PDG. Mais hein. Oui, mais pas beaucoup. Et franchement, tu regardes leur ratio. Citez-moi une PDG en Belgique, la PDG de Belgacom. Oui. De Proximus, elle, c'est une femme. Mais qui d'autre? Dans les entreprises du CAC 40, où faudrait regarder combien de femmes il y a, il n'y en a pas beaucoup. Les femmes sont clairement en minorité dans les hauts postes, quoi. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas capables, c'est juste que c'est les hommes qui passent le flambeau, donc ils le passent difficilement. C'est quand même dingue. Hein. Et puis les femmes gagnent toujours moins d'argent que les hommes. Toujours 25% moins. 25. Ouais. Mais c'est ça que je comprends pas pourquoi, en fait. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah parce que c'est le système patriarcal, c'est tout. C'est le côté les mecs entre eux, ils se valorisent plus. C'est-à-dire, je pense qu'une femme dans les mêmes fonctions, elle doit prouver 5 fois plus qu'un homme. Et un homme, c'est acquis plus ou moins. Oui, c'est ça, ça, oh, ça peut partir. Un homme blanc, enfin, tu vois, le cliché du truc du mec qui a plus de chances de réussir que les autres. Ouais, c'est vrai. Alors, parce qu'il y a aussi toutes ces discriminations-là, il ne faut pas oublier. Oui, il n'y a pas que la femme qui est discriminée dans les bien entreprises. Bien sûr, bien sûr. Alors, Marie, elle voulait justement nous expliquer d'une histoire en classe. Là, Marie, on t'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ça fait 2 ans qu'il y a un garçon qui m'aime bien. Et je lui mettais des stops et tout. Mais il a commencé à m'harceler par message, à me faire des trucs chelous du genre un message je t'aime, un message t'insulte. Mmh. Et genre, il y avait moins, je reçoive 20 messages en une minute. 20 messages, ok, en une minute, ouais, oui. Ouais, d'accord. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est que en classe, ben, il essayait surtout de m'isoler du groupe. Et de me mettre à part en m'insultant. Et lui, sa raison, c'était que je donnais mon corps parce que je mettais des jupes. Ah ouais, d'accord. Bon, ça, c'est encore un... Ça, il y a un travail d'éducation à faire derrière. Oui, non, mais après, est-ce qu'on peut considérer ça comme du sexisme? Là, c'est un mec qui est clairement un manipulateur et qui a pas de, enfin, qui a pas d'éducation sur ça et qui veut la soumettre. Enfin, tu vois. Ouais, parce que le sexisme, il y a quand même un petit peu, hein, c'est genre, il te fait quoi, des remarques, genre t'as pas à mettre ce genre de trucs, des machins dans le genre? Oui, c'est ça, bah, je m'appelle Marie, et l'autre jour, bah, en classe, il m'a traité de Marie, couche-toi là. D'accord, c'est le jeu de mots avec Marie en même temps, il y en a tellement pas, que le mec, il a réfléchi, il s'est dit, ah mais à Marie, couche-toi là, ce que je trouve date des années 40, moi j'ai l'impression que ça se dit plus des années 40. Je comprends toujours pas en fait, là... En gros, elle subit l'humiliation du gars et le gars lui dit ce qu'elle doit faire et tu mets pas ça, etc. Ah, okay. Mais c'est un peu le même principe. Hein, oui, en fait, c'est vrai que l'harcèlement non plus, c'est du sexisme aussi. J'ai été regardée sur la définition vraie, c'est-à-dire que c'est l'attitude ou l'idéologie qui s'est basée sur le sexe et ça conduit à une discrimination. Ouais, c'est donc, ça, c'est une discrimination. Voilà, c'est un peu ce que je dis. Le gars, il est en plus que sexiste. Il est manipulateur, il est méchant, il est insultant, il harcèle. Bon, ouais, voilà, c'est du harcèlement moral, ça, comme nous envoie PNO. Ça, c'est très très grave, hein, l'harcèlement moral. Ah bah, ça peut aller très très loin. D'après lui, c'est moi. Hein. T'as dit quoi? Oui, bah parce que genre, tu portes des jupes. Bah oui, maintenant, c'est moi la manipulatrice dans l'histoire. Pour du coup, maintenant, j'ai trouvé un mème l'autre jour sur Internet très très drôle d'une fille qui disait, maintenant, moi, je touche la bite des gars qui portent des shorts parce que je suis désolée, vous habillez comme des putes, alors voilà quoi. T'as j'adore le truc. Non, mais sérieusement, je sais qu'il y a un peu... alors, je vais pas mettre le rap là-dedans, parce que pour moi, le rap n'a rien à voir. Mais parfois, quand j'écoute certains sons, tu vois, je me dis, putain, si je le prends au premier degré... Eh ben, tu peux devenir méga abusé avec les femmes, oui, tu vois. Ouais, mais attention, j'écoute du rap depuis des années, il y a pas de problème. Mais parfois, c'est du second degré, tu vois. Moi, je le prends au second degré. Je pense qu'il faut écouter le rap comme on regarde un film de gangster. Voilà, quand tu exactement. Regardes un film de gangster, tu vas pas dire que Leonardo DiCaprio dans la vie il tue des gens et que c'est un sale type. C'est on un est acteur. D'accord. On est d'accord. Mais pour les chanteurs, tu vois la. Et parfois, j'entends des petits qui, tu sais, il y a une meuf, elle s'habille machin, et ils commencent à balancer des phrases de rap, vu comme tu t'habilles, t'es trop une teupu, des trucs dans le genre. Et là, ça commence à passer. C'est un message étrange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à qui de décider qui s'habille comment, en fait, tu vois. Ouais. Bon, maintenant, je dis pas, ça va être compliqué, ce discours, parce qu'il y a des demoiselles de 12 ans, elles s'habillent comme des demoiselles de 20 ans. Donc là, on est dans un. Il faut respecter son âge et aussi. En fait, je pense que les filles doivent aussi connaître le danger de ça. C'est-à-dire, tu peux le faire, tu peux t'habiller, mais tu dois savoir que tu prends parfois, dans certaines situations, contexte, un risque. Bien sûr. En t'habillant comme ça. Bien sûr. Malheureusement. Maintenant, il y a beaucoup trop de femmes encore qui ont 25 ans et qui se baladent en rue et qui se font siffler ou qui se font insulter parce qu'elles portent des jupes. Et ça c'est un problème, c'est vraiment un souci. Et vous savez quoi, je vais vous dire, j'ai vu ça personnellement en Belgique, j'ai vu ça en France, mais j'ai jamais vu ça aux États-Unis ou au Japon, par exemple. C'est ça qui m'a interpellé, j'ai jamais vu ça au... Bon, maintenant, je vis pas là-bas comme je vis ici, tu vois. Donc peut-être qu'ici, je suis plus témoin de ce genre de choses et tout ça. Je pense que c'est ça, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le côté plus latin, Il y a des pays où en fait, tu t'habilles un peu comme tu veux, on s'en fout. Je pense qu'il y a de la misandrie et de la misogynie partout. Ouais, ça certainement, bien sûr, parce que ça va dans le sens. Tu veux dire quoi, Eddie, là, au standard? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que t'as dit au niveau de la musique. Je suis vraiment pas d'accord avec toi au niveau du rap. Mm-hmm. Parce que quand t'écoutes des rappeuses genre Nicki Minaj et Cardi B, elles revendiquent justement le contraire. Ce sont des femmes. Vraiment. Ouais, mais c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que. Elle joue de ça, en fait. Elle joue de ça à fond. Ouais. Et ouais. C'est peut-être pour ça que, comme tu dis, aux États-Unis, il y a peut-être moins, tu vois moins ça, parce que les femmes en sont plus fières, en fait, ouais, de ce côté-là. Elles s'assument à fond. C'est un truc très anglophone, en fait. Anglo-saxon. Dans la culture anglo-saxonne, les femmes ont tendance à plus assumer ce qu'elles sont vis-à-vis des hommes, en quelque sorte, et elles en jouent. Mais honnêtement, moi, je sais pas, quand tu te promènes aujourd'hui, je trouve que les filles, les jeunes filles, elles sont vachement plus. Je les ai ouvertes, ouais. Elles sont ouvertes, elles sont super belles, elles mettent enfin, elles montent des bouts de peau, machin, il n'y a aucun problème, quoi, aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Ça ouais, non, mais maintenant, où. Genre, ça à 12 ans, elles mettent des strings et tout, c'est chaud. Oui, bon, ça, c'est encore un autre truc, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même les mentalités évoluent, ça dépend les endroits. Bien mais, sûr. Mais bah non, même bon, dans Marie, l'entreprise. Pour revenir à Marie, c'est quand même galère. Voilà, visiblement, le gars l'aime bien. Et le gars réagit c'est un peu. Type, lui. Mais c'est dingue, le nombre de gars, je peux donner des exemples très proches. Par exemple, il y a ma copine, elle, il y a un gars, je sais pas, il lui parle tranquille, et elle, dans sa tête, il y a rien, ça discute et tout ça. Et comme il parle, le mec, il pense qu'il est en couple avec. Et donc, ouais, du coup, non, quand elle met des photos sur Insta, il lui fait des remarques genre, ouais, comment tu t'habilles aujourd'hui? Et mais gars, mais oh, mais à un moment donné. C'est un crochet. À un moment donné, tu t'en mêles, tu vois, parce que. Pourquoi tu réponds, gars? Voilà, pourquoi tu réponds les, ça ben, les femmes de toutes. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que justement, c'est-à-dire les femmes, si elles comprennent en fait qu'elles sont le centre de l'attention et qu'elles prennent le pouvoir sur ça, comme c'est comme dans les films porno, tout le monde dit ouais, attention, et les femmes et tout, mais en fait, tu vois jamais presque la tête des hommes, tu vois que les femmes. Ce qui intéresse dans les films porno, c'est la sexualité des femmes, c'est la jouissance féminine. En fait, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Et j'ai un commentaire ici de Jonathan sur le WhatsApp, là, ça dit quoi? Voilà, en fait, pour parler de sexisme, nous, dans notre métier, chauffeur poids lourd, il y a assez bien de sexisme, malheureusement. Car je trouve dommage, c'est un très beau métier et les femmes commencent à y prendre goût. Mais malheureusement, elles ne sont pas encore bien vues dans ce métier-là et je trouve ça dommage parce que certaines femmes travaillent mieux que les hommes. Ah. Et à mon avis, je pense qu'ils sont piqués dans leur ego. Alors c'est toujours essayer de les toucher, essayer de les rabaisser, essayer de dire que ce métier-là n'est pas fait pour elles. Or que ce métier-là est ouvert à tout le monde et je trouve ça dommage. Enfin voilà, bonne soirée. Et franchement, c'est un très bon commentaire ça. C'est vrai que c'est vrai. Je connais une femme qui nous a envoyé un message là sur WhatsApp et qui nous a dit ouais, moi je travaille à la STIB et tout. Et t'as pas idée, enfin STIB, voilà, parce qu'il y a STIB, il y a Tech, il y a tous les choses. Quand t'es chauffeur de bus et que t'es une femme, elle m'a dit j'ai des collègues qui sont extraordinaires avec moi et d'autres par contre, ils ne me regardent même pas, ils ne me saluent même pas, alors qu'ils saluent leurs autres collègues masculins. Ouais, mais ça, par contre, ça, il y a des mecs qui font ça, je les trouve tellement débiles. Ouais, c'est con. Mais c'est une peur, en fait, il a raison, ce monsieur. C'est-à-dire, je pense que c'est basé sur une peur, parce que les femmes sont capables de beaucoup de choses. Et c'est comme si on donne accès, tout d'un coup, les hommes ont peur que les femmes prennent le pouvoir. C'est ça. Mais tu sais qu'après, il y a beaucoup d'hommes qui trouvent, qui pensent que des femmes qui réussissent, c'est des chouins. Alors, c'est basé sur quoi ? C'est n'importe quoi, ça. Pas forcément. Pourquoi ? Alors, il y a un message qui est arrivé, là, un premier message d'une nouvelle auditrice, là, qui nous écoute peut-être depuis un moment. En tout cas, c'est son premier message. Hello, l'équipe, je suis secrétaire et j'ai souvent entendu. T'as eu ton poste en passant sous le bureau. Ouais, tu vois, c'est ça. Ton travail, c'est de faire du café. Voilà. Merci le stéréotype, bisous, bonne soirée. Les femmes, si elles réussissent. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Nigel. Ouais, c'est qu'une ouais. femme qui a réussi, c'est certainement qu'elle a eu une promotion de canapé ou quoi. C'est pas grâce à elle. Mais il faut changer ça, c'est ridicule. Pamela qui me dit vous êtes magique, l'équipe, mais aller en cours à Bruxelles en jupe, tu oublies. Visiblement, il y a des femmes qui ont peur de s'habiller en jupe. C'est quand même dingue qu'il y a une pression Après, sociale jupe comme et ça. Jupe aussi, hein, je sais Bien pas, sûr, ouais. Si tu arrives avec un mini jupe en latex, élégante quand même. Et mais on a une réaction très intéressante de Tristan là, qui réagit au standard là, 0800 2 3 4 5 6. Salut Tristan. Salut Vince. What's the standard de la maison sur énergie. Tristan, on va se faire le son de Lucas Graham avec Love Someone dans quelques minutes là. Mais avant ça, explique-nous, toi de ton côté, tu travailles dans une entreprise et justement t'es contre le sexisme, mais raconte-nous comment ça se passe là-bas là. On a quelques secondes seulement, vas-y. Bah moi je suis sergent de Gargena, j'ai l'immense plaisir de travailler dans les patrouilles de nuit avec une femme. Ah, mais c'est génial ça. Bravo. C'est vrai que c'est. Alors, il faut le dire, c'est un métier. On croise pas souvent des femmes en fait pour le moment. Surtout pas déjà au niveau de l'even et même pas au niveau de la nuit. C'est un peu comme les corps de l'armée, comme un peu les corps de police. On ne verra jamais une femme travailler toute seule. Alors qu'ici, nous avons engagé ici aujourd'hui notre première femme en tant que patrouilleuse mobile de nuit toute seule sur des zones. Waouh, wow, ouais, génial. Non mais si ça se trouve, elle peut mieux gérer qu'un gars. Hein. Alors vraiment une grosse paire de singes. J'ai expliqué tout à l'heure à Thibaut. Pas parce qu'une femme a une chatte entre les jambes qu'elle n'est pas plus connue qu'un homme. Oh, bien vu. Hey, c'est bien d'avoir dit ça, là, c'est cool. En tout cas, Tristan, tu dis big up à ton boss et c'est très bien, et continuez comme ça, les amis. Hein. Ouais, écoute, on compte encore en engager d'autres et. J'espère que ça va se passer, quoi. Ah bah très bien, mais si jamais vous avez du job à donner, faut me le dire, hein. Comme ça j'envoie ça hein, pour les auditeurs, hein. Ça va ? Les auditrices surtout, du coup. Allez, merci à toi, Tristan, bonne soirée. Hein. Au revoir. Salut, salut. Bisous. Marie. Ce qui va se passer, c'est qu'avec le gars là maintenant, il va falloir que tu mettes les points sur les i. Ce qui va se passer, c'est que je vais te passer Lara hors antenne tout de suite, qui va peut-être un peu t'aiguiller, te donner des techniques pour envoyer un peu chier le mec, parce que il a pas à te dire ce que tu dois faire, il a pas à te harceler comme ça au quotidien. Il faut pas se laisser faire, d'accord ? D'accord. Super. Salut. Allez, raccroche pas, Marie, je te passe Lara tout de suite en antenne. Hein. Et Vince, j'ai plus osé mettre de mini-jupe, là, de jupe au boulot, de jupe, hein, même pas de mini-jupe. Voilà, moi, je travaillais dans un salon de coiffure. Ce jour-là, la canicule, j'avais donc une jupe en jeans et une blouse à fines manches. Et un homme vient se coiffer. Il a commencé à me faire des avances. J'ai refusé ses avances. Et en parlant, il m'a insulté de pute. Et je méritais de me faire violer vu ma tenue, là. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est lui qui a un problème, bien sûr. Mais le problème, c'est que là maintenant, depuis, elle a peur de mettre une mini jupe au boulot, tu vois. Ça va loin. Bon, les amis, on arrive dans quelques instants sur Énergie. Lucas Graham avec Love Someone. Lucas Graham. Yeah. Le jeu du bluff à suivre sur Énergie. Le jeu des 4 punchlines. Et le mot de la fin. Pour repartir avec vos cadeaux, on arrive tout de suite sur Énergie. Et attention, parce que je vais vous parler des Énergie Music Awards et les Énergie DJ Awards aussi. Oh, il y a tellement d'Énergie trucs. On a même le jeu Soul Calibur à vous offrir ce soir. Bienvenue. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Tellement beau. Like I do. Et merci à Daphné pour son message. Là, bonsoir à l'équipe. Lorenzo qui est dans la maison. Il y a Roland aussi. Il y a Laurent de Sorin. Il y a Tristan qui vient de passer d'ailleurs dans l'émission. Là, il y a José aussi. Merci pour tous vos messages, les amis, sur le WhatsApp. Je vous donne le numéro 0492 222 002. Et puis n'oubliez surtout pas Insta, Snap et Twitter. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Apprenez-en plus sur l'équipe qui vous réveille chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Marco. J'adore dire j'arrive, alors que je suis même pas encore parti. J'adore les post-it. Ouais, ma vie, c'est un post-it. Dans la voiture, des post-it. Sur le frigo, des post-it. Partout, quoi. J'aime pas les pieds. Ça pue, c'est moche. Ça sert à quoi, à part marcher? J'adore les oignons. Heureusement que c'est de la radio, hein. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. day and the life of a kid in America. Everyone's a critic, watch them criticize your character. Everybody watching you, people love to stare at you. Everybody's greedy, ain't nobody trying to share with you. Our leaders are embarrassing, I think they need some parenting. Tell me why they playing with the fire and the kerosene. Kids on the Percocet, tripping on the medicine. Call it like I see it, we some drugged up Americans. Everybody's following, ain't nobody leading. People loving guns more than kids is a season. And they say the reason is to protect their freedom, but we don't believe them. Cause all that we are, a young boy, used to hear the people say, power to the people, but we them people nowadays, we ain't never giving up. Now we got our hands up, we can't breathe, cause their hearts ain't big enough. All we need is just us, hate got you guessing. War is the answer, but really what's the question? Money got us stressing, fear got us flexing, phones got us zoned out. Now we lose connection. Please stand by. It takes you and I to keep the hope alive, cause we're living in a time where you're fighting to survive, and all we need is love. Big, big love. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince est sur Énergie. Ouais, soyez les bienvenus sur Énergie les amis. Non mais c'est une sale histoire là, la pauvre Marie qu'on a eu à l'antenne il y a quelques instants, pour ceux qui viennent d'arriver là et qui n'ont pas écouté l'émission avant, on a parlé de sexisme et tout. Et puis ça a dévié sur le harcèlement avec Marie justement, bah, qui est victime d'harcèlement dans son école d'un gars. Et en fait, ce que je ne savais pas, ce qu'elle ne nous a pas dit, c'est que ça faisait 3 ans que ça durait. Oui, j'étais au téléphone avec elle et l'histoire est quand même assez trash. C'est compliqué parce qu'on a... Il retourne la situation, il retourne le cerveau de tout le monde. Ouais, il y a des jours où elle était absente au début de l'année, il a retourné toute la classe contre elle, etc. C'est un peu dur. C'est dur à vivre ça quand même. Donc du coup, on lui a conseillé d'aller voir les éducateurs. Mais le problème c'est qu'ils sont dans une nouvelle école avec des nouvelles personnes. Et donc si lui a déjà, tu vois, il a préparé le terrain, du coup... Les éducateurs peut-être vont pas la croire ou il dit qu'il ment très bien. Enfin bon, on s'en mêle. Hein. C'est aussi une possibilité. Hein. On peut en parler, ouais. Mais de toute façon, on a noté son numéro et on va lui parler. Voilà, à suivre dans l'émission, les amis. À suivre parce que voilà, on va pas la laisser, la pauvre. On est là pour l'aider, on est là pour vous aider aussi dans la mesure du possible. Si jamais vous avez des galères et tout, voilà, on essaye de vous aider un maximum dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Eugénie dans la maison. Eugénie, salut Eugénie. Bonjour, bonsoir Eugénie. Oh, t'inquiète pas, peut-être que t'es en GMT plus 10, hein, je sais pas. Ça va, ça va Eugénie, tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ça va, tranquille ma chérie, bienvenue sur Énergie. On va faire le jeu des 4 punchlines et on va appeler une copine à toi, c'est bien ça? Ouais, ma meilleure amie. Ah, ta meilleure amie, elle s'appelle Aline. Et les 4 punchlines, je précise, des punchlines, ce sont des phrases qui font mal, des phrases assassines. Des phrases qui font, oh mon Dieu, oh, je le prends en premier degré. Et les phrases des 4 punchlines de ce soir, j'ai arrivé à parler français là, quand même. Voilà. Tes pâtisseries sont dégueulasses, t'aurais dû faire le pire pâtissier. Numéro 2, j'aurais dû choisir une autre marraine. Je me rends compte que tu sers à rien. Oh. Ah ouais, carrément. Numéro 3, tu fais que bouffer tes pâtisseries, tu ressembles de plus en plus à une baleine. Oh, c'est horrible. Oh, ah non. Mais c'est bon, une baleine. C'est méchant. T'as déjà mangé une baleine, toi? Non, mais j'utilise leur parfum. C'est vrai? Ben, moi, j'ai honte, j'ai déjà mangé de la baleine. Comment? C'est vrai? J'ai découvert plus après. Ouais, en 2013, j'étais au Japon et on me fait manger quelque chose qui s'appelle Kujira. Et moi, je dis Kujira, ben, c'est bon le Kujira. Ouais, ou Kujira, tu vois. Ouais. Kujira, ça goûtait un peu genre du thon, tu vois. Et après, je demande, mais c'est quoi Kujira? Kujira, nandake? Nandeska. Et là, on me dit, on m'envoie une photo, on met une photo devant un écran. Et en fait, c'est une baleine. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Ça t'a saoulé? J'ai trouvé ça très bon, honnêtement. Ah, bah voilà, du coup. Mais j'étais mal à l'aise parce que la baleine, elle est quand même en voie de disparition et on la chasse un peu trop au Japon, tu vois. Donc, voilà. Et numéro 4, je te vois de moins en moins, mais au final, ça me fait du bien. Voilà. Ce sont les phrases à balancer. Mais avant toute chose, avant qu'on lance ça, les amis, j'ai pour vous ce soir. Avant qu'on prenne un gagnant concernant le jeu de la scène culte, on va offrir le jeu Soul Calibur C'est le numéro 5, hein? Non, le numéro 6. C'est le numéro 6 déjà, putain, ouais. Ça va trop vite. Je me rappelle, j'ai joué à Soul Calibur 2, c'était mon premier Soul Calibur. Comment t'écris Soul? Soul, S-O-U-L. Ah, d'accord. Calibur. Ah ouais. L'âme de Calibur. Voilà, Soul Calibur, c'est un genre Tekken, hein, c'est un jeu de fight. Ah, ok, d'accord. Ouais, okay. Ça fait longtemps, les Soul Calibur, j'ai joué sur Dreamcast à l'époque, je me souviens. C'est quoi une Dreamcast? C'était la console nouvelle génération de l'époque de Sega. Ah, Sega oui. avait fait la Mega Drive et après avait sorti la Dreamcast, mais oui, elle a fait un flop face à ce moment-là, face à la PlayStation. Ouais, la PS1. Et pourtant, la Dreamcast avait de meilleurs graphismes, était plus performante, mais la PlayStation 1, voilà, Sony, ils ont raflé le marché, ils ont bousillé le game, et il y avait la Nintendo 64 et elle n'a pas fait long feu. Voilà, pour ceux qui ont connu la Dreamcast. Hein. Entre-temps, donc Soul Calibur a gagné ce soir. Comment faire? C'est très facile, les amis, on va faire le premier message qu'on reçoit. Ah, c'est un concours de vitesse, là. C'est pas un concours vite fait, genre vous avez pas beaucoup de chance pour gagner, et tout ça, tirage au sort, non, non, non. Là, c'est purement votre vitesse. Je vous explique. Vous prenez votre téléphone, et en prenant votre téléphone, vous allez écrire comme message « énergie ». Énergie, c'est le code impératif à nous envoyer pour gagner le jeu Soul Calibur 6. Il s'agit de trois lettres, la lettre N, la lettre R et la lettre J. Exactement. N'écrivez pas « énergie ». Alors. Écrivez « énergie ». On est bien d'accord. Énergie, suivi de votre prénom. Et vous allez me l'envoyer au 78. Ah. C'est 1 euro par message. Ah, 78. Du beau cadeau, là. Ouais, c'est le premier. Alors, pourquoi le 78? Parce que là, c'est le premier qui arrive qui gagne. J'espère que vous êtes prêts. Attention. On se concentre. You ready? Yes. Au moment où vous entendez ceci. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pour après. Ah, c'est chaud, ça. Au moment où vous entendez. Mais c'est pas pour maintenant. C'est donc, comme je l'ai dit, pour après. Dès que vous entendez ça, les amis, vous m'envoyez énergie avec votre prénom au 78. Énergie, espace, votre prénom. Attention. Énergie, espace, votre prénom. Vous écrivez pas espace, mais vous mettez la barre d'espace. Non, et vous écrivez pas votre prénom. Vous écrivez pourquoi votre, on le dit? Parce qu'il y en a qui nous l'envoient comme ça, parfois. Oui. Je te jure, on a déjà reçu énergie, espace, votre prénom. Alexis et Zélim, vous êtes trop rapides. C'est pas tout de suite, attention. 78. Pour gagner le jeu Soul Calibur 6 sur PS4. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ah non. Attention. Sergio, t'es trop rapide. C'est pas encore maintenant. Pas encore maintenant. Ah là là. Dempsey, trop rapide, Dempsey. Ah là là. Ils sont déjà en train d'envoyer. Ouais, ils envoient. Du Roi Lion. Quand vous entendez le Ah, tu baignes, mon ami, tu vas beau. Mais c'est pas. Et moi, si je le fais, ça compte pas? Non. Genre, ah non, arrête, tu vas être. C'est la même voix. Arrête, tu les trolls là. C'est trop bien. C'est trop dangereux. Le premier qu'on reçoit gagne. You ready? Oui. Et. Attends. Non, rappelle à quel numéro c'est. 78, énergie, votre prénom. Ouais, c'est pas génial. C'est pas génial. Tu vas là. Vous avez capté? Je pense que c'est flag là. Hein. Il y a trop de messages. Ça va être galère de trouver le premier, là. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai. Oh. Wouh. Montez le volume sur énergie, là. Tu sais ce que ça me donne envie de faire, cette musique? Ça donne envie de faire quoi? Essorer ma salade. N'importe quoi, Vita. Essorer la salade. Mais... Eh, c'est ouf. Eh, les amis, on a le jeu du bluff qui va arriver, les 4 punchlines avec Eugénie, c'est tout de suite. Mais d'abord, voici une personne qui veut vos problèmes. Amir. Avec l'OTAN. Donc si vous avez des problèmes, vous tweetez tous à Amir et vous lui dites, est-ce que tu veux mes problèmes? Est-ce que tu veux ma facture? Est-ce que tu veux mon amende? Allez-y. Bon, on arrive tout de suite sur l'énergie. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Amir, avec longtemps sur énergie. Oh yeah! Tu veux délirer avec Vince en direct? Oui, bah oui! Appelle maintenant le numéro gratuit 0800-23456. 0800-23456. Et si vous désirez, il y a aussi le mot WhatsApp, hein, c'est gratuit 0492-222-0002! Allez, bienvenue sur Énergie, 23h16 les amis. On a encore un petit délire à se faire là. Pas mal de délire à se faire, le mot de la fin ça va arriver. On va avoir notre gagnant là pour la scène culte aussi. C'est prévu pour ce soir, ne vous inquiétez pas. Et puis on a également ce soir le jeu du bluff, on adore ce jeu. Ça c'est quelqu'un qui passe à l'antenne, qui nous raconte son histoire, yeah. Et c'est à nous de deviner si c'est la réalité ou si c'est un mensonge. Chouette. Est-ce qu'il mytho ou est-ce qu'il dit la vérité? Voilà, il y a Sergio qui dit Sergio et Lidwin sont dans la maison. Sur Énergie. Merci Sergio, c'est cool là pour le message. Et Ismaël, il nous dit quoi, Ismaël? Ah, attention, ça dit quoi? Hop, c'est play. Quoi qu'on gagne au fait quand on a envoyé Énergie et son nom? Le jeu Soul Calibur. Question, parce que je l'ai fait, mais je sais pas ce qu'on gagne. Ah putain. Oh, il est énorme lui. Mais ça c'est bien, ça veut dire que c'est des gens qui jouent comme ça, tu voilà, vois. Voilà, ils jouent pour le kiff. C'est le jeu Soul Calibur 6, un jeu un peu genre Tekken pour ceux qui connaissent pas, mais c'est super connu Soul Calibur. Hein. C'est vraiment, ça fait des années que ça tourne ce jeu et c'est très acharné. Et justement, je pense que nous allons avoir quelqu'un à l'antenne dans quelques minutes. Avant ça, Engie, t'es prêt? Engie et Eugénie, pardon. Eugénie. Eh bien. Engie. Ouais. Et je l'ai appelé Engie. Mais c'est pas mal Engie. Engie. Engie Electrabel. Oh, Engie Assurance. Eugénie, on appelle tout de suite Aline. T'es ready? Ouais. Ah, okay. Splendide. Et j'adore, il y a un auditeur qui me dit pourquoi tu réponds jamais? Alors moi je lui réponds, mais c'est difficile d'écrire pendant que j'anime. Et il va, oh, tu m'as répondu, trop bien, merci, je t'adore, c'est quoi ton Insta? Bah. Vince Radio. Alors je vais l'écrire. V-I-N-Z-R-A-D-I-O. Voilà, Vince Radio, je vais envoyer, hein, je vais envoyer par écrit. Les amis, le WhatsApp c'est fait pour lire vos messages à l'antenne en live. Si jamais je vous réponds, on ne ferait plus d'émission, ce serait trop galère en fait. Hein. Voilà. J'adore Vince, bonsoir, c'est possible de faire un jeu, c'est possible de chanter et d'essayer de faire un prank demain. J'essaierai d'avoir un nu, mais j'allais demander si c'est possible avec les collègues et il faudrait une femme car j'essaye de faire croire à une personne que via sa mère, Et c'est quoi que Vita quoi est ma mère et que Slimane est mon père. C'est possible d'avoir un de tes collègues, s'il te plaît. Attends, il y a un auditeur. Il y a un auditeur, je crois, qui veut faire une blague à un de ses proches pour faire croire que sa mère c'est Vita et son père c'est Slimane. Ah, elle ressemble ou pas? Je sais pas du tout. On va voir la photo parce que. Je sais pas du tout. Ouais, parce que s'il a une tête de cul, c'est dangereux. Voilà. Bon, pourquoi pas, en même temps, vu, tu sais, Vita, Slimane. Je rigole, oh, je déconne. Mais je vanne, je suis pas sérieux, je les aime, je les adore. Reste calme. Surtout avec Slimane. Slimane. J'adore. Slita. J'adore parce que ma fille, quand il y a Slimane qui passe à la radio, elle fait papa, écoute, c'est Slimane. Slimane. Je te jure. C'est... ma fille, quoi, ma fille. Bah, attention, on se concentre, mesdames et messieurs. Ouais. Eugénie, c'est parti, on appelle Aline pour le jeu des 4 punchlines. Je rappelle les phrases. Tes pâtisseries sont dégueulasses, t'aurais dû faire le pire pâtissier. J'aurais dû choisir une autre machine. Je me rends compte que tu sers à rien. Non, une autre marraine, pardon. Ouais. Une machine. Numéro 3, tu fais que bouffer tes pâtisseries. Tu ressembles de plus en plus à une baleine. Et numéro 4, je te vois de moins en moins. Mais au final, ça me fait du bien. C'est parti, on appelle. Courage. Allez, bon courage. On coupe nos micros. Dès que la musique s'arrête, c'est à toi. En espérant qu'elle réponde. Allô? Ouais, ma poule, ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Ben non, mais t'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je t'ai dit que je devais te demander quelque chose, mais voilà, j'ai pas eu le temps de te sonner avant, je suis rentrée tard du boulot. Ouais, c'est pas grave, dis-moi. T'es dispo? Ça va, tout va bien? Ah ouais, ça va. Hein? Ok. C'est bon, quoi? Ça va et toi, c'est non? Bah, je sais pas, comme t'as pas l'exit de m'appeler à cette heure-ci. Ah, je t'ai dit, je suis rentrée tard, c'est tout. Non, je voulais savoir si t'étais dispo ce week-end. C'est sympa, non? Oh non, ma poule, désolée, mais avec le boulot, la pâtisserie et tout, il n'y aura pas moyen. Tu te fous de ma gueule. Allez, place. Ah, là, tu dois bah place. Non, bah, écoute, avec tout le boulot que j'ai, enfin, c'est pas évident pour l'instant, c'est bien. Tu fais chier, sérieux. Elle bosse dans une pâtisserie. Une pâtisserie. Allez, ouais, une semaine, je t'ai demandé de venir et t'es toujours pas venu. T'as toujours ta caisse à macarons ici. Allez, je précise un truc, on va me donner une info. Une pâtisserie et quoi? Et Kevin? Kevin, il te voit, lui, hein? Aline a fait le meilleur oh, bah, pâtissier. Elle prend pas comme ça. C'est bien que j'ai beaucoup de boulot pour l'instant. Qu'est-ce qu'il te prend? Et Thibaut, t'as plus d'infos? Eddie, Thibaut. Ouais, ça me fait chier. Elle a été éliminée la semaine dernière. C'est une fois par an. Et... elle a été éliminée assez tôt dans les bah ouais, mais pour l'instant, c'est le boulot d'abord. Ouais, c'est sa pote. C'est énorme. Ta gueule. C'est nous, là, quoi. Toujours les pâtisseries, tes pâtisseries. En ton nom, t'as jamais dit qu'elles étaient dégueulasses, que c'est pas le meilleur pâtissier que t'aurais dû faire. Hein. C'est le pire. Ça va? Qu'est-ce qui te prend? T'as bu ou quoi? T'es pleine? Non, aujourd'hui, j'ai pas bu, non. Ah, je me suis shooté la levure. Attends, ma pâtisserie, c'est de la merde. Tu sais pâtisser, toi, peut-être, non? Ouais, j'ai pas dit que c'était de la merde. Je t'ai juste dit qu'elle était dégueulasse, quoi. Bah, et de quel droit tu peux te permettre de juger ça? J'ai fait le meilleur pâtisserie. Bah, ça y est, parce que t'es passé une fois à la télé, tu te sens plus. Non, mais c'est de la merde. On te l'a jamais dit, je crois, en fait. Sinon, bah, tu fais que les bouffées, tes pâtisseries. Oh, je te parle. Sinon, tu fais que les bouffées, tes pâtisseries. Je dis, je te parle. Tu m'écoutes même pas. Oh. Vas-y, dis-moi. Non, je dis, sinon tu fais que les bouffées en fait tes pâtisseries, parce que tu bosses. J'ai encore vu une photo de toi avec ta mère la semaine passée. Je me demande si tu fais que les. Enfin, si tu les fais ou si tu fais que les bouffées en fait. Parce que tu ressembles de plus en plus à une baleine, hein. Je sais pas si on te l'a dit, mais. Oh, putain, je t'emmerde, tu t'es déjà vu ou quoi, franchement? Non, la baleine entre toi et moi, c'est qui là? Oh, on va se calmer? La baleine. Quoi, franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien. Voilà, j'ai attends, envie de te dire. Attends, tu me sonnes à 23h15 pour ouais, quoi? Pour me lâcher ou quoi? Non, enfin, un petit peu, allez, ouais. Tu la vénères parce que je vois chier. Plus. Ben ouais, voilà. Tu la vénères parce que je viens plus, parce que je vois plus ma fiole, c'est ça? Ouais, aussi, ouais. Ouais. Allez, la marraine, place ouais, ta fiole, je me demande de plus en plus, c'est pas de la mer, tu vois. Ton rôle de marraine, je serais m'assumer quand? Parce que j'aurais vraiment dû t'appeler. Quoi, les génies ou quoi? Attends, c'est une blague? Putain, c'est mon possible, moi, je bosse. Toi, t'es vraiment une connasse. Franchement, dire ça, t'es vraiment une grosse connasse. T'as pas à parler de ça, tu vois? C'est mon possible. Non, mais quand ta fille, elle sera parlée correctement, tu vois, ben, elle dira peut-être, oh, ma marraine, elle est où? Elle te reconnaîtra même plus aussi, tu vois? Oui, ben, sa marraine, elle bosse, tu vois. Donc, à un moment donné, je fais ce que je peux. Et moi, j'ai autre chose à foutre que de me faire engueuler par une grosse connasse à 23h15 du soir, ça va? Ouais, ben ça, on est où, elle a 4 ans et demi, elle comprend rien, tu vois. Donc, elle voit juste pas sa marraine. Et voilà, à la limite, c'est la voisine qu'elle va appeler marraine bientôt, tu vois. Oui, mais si t'as un truc à me dire, de toute façon, je te signale que t'as juste à déposer ton cul jusqu'ici, c'est tout. À un moment donné, merde. En fait, tu vois, t'es parti te perdre là dans un trou de merde. Et voilà, on te voit plus. T'as une heure de chez moi, je suis sans bagnole, je suis à pied. Qu'est-ce que tu veux que je foute, quoi, sérieux? En attendant, c'est pas des plus. Ben oui, ben désolé. Pour l'instant, j'ai un peu d'autres priorités, tu vois. T'es pâtisserie, ça on l'a bien ça, compris. Ça a l'air de prendre beaucoup de place, hein, la pâtisserie. Là. Eh ben, c'est la dernière phrase. C'est non, mais... Et ça va plus, c'est bon. Elle a eu l'occasion de le dire. Ouais. Je te vois de moins en moins, mais au final, ça me fait du bien, c'est ça la dernière. Il est 23h15 du soir, j'ai que ça à foutre, me faire lyncher. Ben vas-y, continue. La prochaine fois que tu as un truc à me dire, c'est tout. Et à chaque fois, ça me répond. Il y a encore deux jours, tu me répondais ça. Tes pâtisseries. Mais putain, mais je les emmerde, moi, tes pâtisseries. Alors, ok, tu mais moi aussi, je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Mais va te faire mettre. T'es vraiment une grosse connasse. Moi, j'ai autre chose à faire. Donc, oui, désolée, je travaille beaucoup. Je suis vraiment désolée de ne pas être une marraine parfaite comme tu le voudrais, de ne pas être une meilleure amie parfaite comme tu le voudrais. Mais à un moment donné, moi, j'ai d'autres priorités pour l'instant. Ouais, t'as autre chose à faire, ça changera. J'ai bien compris. En attendant, je te vois de moins en moins et au final, je me dis que ça me fait du bien, je te jure, vraiment. Je crois que ça te fait du bien. Tant mieux. Tu sais quoi, va te faire foutre à un moment donné. Moi, je veux bien être gentille, mais il y a des petites, ça va. Tu veux bien être gentil, mais tu réponds plus. Arrête, sérieux, mais t'abuses. Hein. Allez, quoi, arrête. Je réponds plus parce que j'ai plus le temps, ça va. Je prends plus le temps, ok, ça va. Je suis dans mes torts, c'est bon. Maintenant, me faire lyncher comme tu le fais là aujourd'hui et me faire des reproches, au lieu de te déplacer jusqu'ici et de montrer ton cul ici et de me dire ce que t'as à me dire, eh ben voilà, je crois que c'est pas très compliqué, quoi. Parce que franchement, faire ça à cette heure-ci par téléphone, je trouve ça vachement lâche de ta part, hein. Ouais, bah franchement, c'est pas très intelligent. Bah ça va, mais de toute façon, il y a que tes pâtisseries dans ta vie, donc faut rester calme un peu, hein. Et c'est qui ce gars là? C'est Eugénie. Attends, j'ai un chat dans la gorge. Attends, tu te fous de ma gueule là ou quoi? Non, je me fous pas de ta gueule. Putain, c'est qui le type là que je viens d'entendre? Je sais pas, moi, putain, t'entends des voix, c'est ma fille. Putain, ça va, je viens d'entendre un type. Par là, ça. Ouais, je suis toute seule à la maison. Le seul que tu pourras entendre, c'est Matt, mais il dort, donc non, je crois pas. Bah, tu te fous royalement de ma gueule, là. T'es en train de payer ma tête avec d'autres types, c'est pas possible autrement, là. Mais je me fous pas de ta gueule, qu'est-ce que tu racontes? Allô? Génie, s'il te plaît. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de te foutre de ma gueule, maman. Mais je me fous pas de ta gueule, j'ai un chat dans la gorge, et donc du coup, j'ai la voix qui devient comme ça, là, grave. Ouais, un chat dans la gorge, à d'autres. Franchement, faut pas me prendre pour une conne, quoi. Ça va? Mais je te prends pas pour une conne. C'est qui ce type, là? Mais c'est moi que t'entends. Je sais pas, c'est le téléphone qui déconne, j'en sais rien, moi, il y a un problème de réseau. Le téléphone qui déconne, j'arrête un peu, quoi. Mais putain, quoi? C'est qui ce type, bordel? Mais j'en sais rien, moi, c'est qui ce type? Un de tes ex, peut-être, j'en sais rien, qu'est-ce que j'en sais? Ah, mais mec, t'es conne ou quoi, putain? Mais je te permets pas de me traiter de conne, putain, mais tu me fais chier, toi, t'entends des voix, tu pars en sucette! Vous, on vous a rien demandé. J'aimerais bien parler à Eugénie. Merci. Bah, c'est toujours Eugénie. Ouais, mais c'est toujours Eugénie. J'entendais par la même voix, s'il te plaît, arrête un peu de te foutre de ma gueule, maintenant je commence vraiment à ras-le-bol. Non, c'est tout. Si tu continues tes conneries, je raccroche. J'ai autre chose à faire à cette heure. Quel genre de connerie, je comprends pas. C'est juste qu'il y a ma voix qui change un peu, c'est tout. Mais sinon, c'est toi, t'as les oreilles bouchées, t'as mis trop de pâte dedans. C'est ça. Vous allez manger un clown. Hein. Mais comment ça? Mais c'est moi, c'est Eugénie, là. Hein. Oui, c'est Eugénie, oui. Alors, je sais bien que Eugénie a une voix rauque, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Pourtant, si. Voilà, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, connasse? Allô? Mais je t'emmerde. Je t'emmerde royalement. Je sais pas qui tu es, mais je t'emmerde royalement. Je sais Eugénie, je te dis. Ouais, moi j'ai autre chose à faire à cette heure-ci que de me faire emmerder, ça va? Tu vas faire des pâtisseries? Non. Je vais dormir parce que demain je travaille. C'est vrai, tu travailles? Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ah bon? Moi aussi je travaille en ce moment, tu sais ça? J'en ai rien à faire, ça. C'est vrai, t'en as rien à faire de que je travaille? Non. Maintenant j'aimerais bien parler à Eugénie. C'est moi, c'est Eugénie. Mais non, faut arrêter de me prendre pour une débile, si. Je sais bien que vous n'êtes pas Eugénie. Mais je m'appelle E.G. Vince en fait. Je sais pas si tu connais E.G. Vince. Non, je connais pas. Tu connais pas Eugénie Vince? Non, je pas. Ah, Eugévine, ça, enfin, c'est un mec, on sait pas si c'est un mec ou une meuf, enfin voilà, c'est. Ah putain, mais c'est toi, Eugévine. Ah. Mais c'est moi, Eugévine, ouais. Ah. Ça va bien, enchanté. Vous êtes combien là? Ah, mais. On est beaucoup! Ouais ouais voilà. Quoi ce bordel? Je sais pas c'est quoi le bordel? Ben non, je sais pas c'est quoi ce bordel. Eugénie, vas-y, dis-lui. C'est quoi ce bordel? On est sur Énergie. Ouais ouais hey, je t'aime, ma poule. Bonsoir Aline. C'est une blague. Oui, c'est une blague. Pâtisserie, je les kiffe. Mais ils trompent de partout. J'ai qu'une envie, c'est de te défoncer, ma fille. Ouais, mais t'as 45 minutes de route. Tu serais jamais venu me défoncer. Bon. J'imagine même pas comment je suis énervée. Ah là là. Non, bah, on n'a pas l'air, hein, y a pas l'air. Hey, bonsoir à toi, comment ça va Aline? Tu vas mieux? Ben oui, ben il va falloir le temps de faire descendre là parce que... Comme l'omelette norvégienne. Je m'y attendais pas. Ça va? Attends, parce que si j'ai bien compris, j'ai eu une info pendant qu'on était en train de faire cette blague. En fait, t'es passé dans une émission de télé il y a pas longtemps, Aline. Oui, c'est ça. T'as oui. fait mon incroyable pâtissier, ou je sais pas très bien, là, le meilleur pâtissier. Oui, le meilleur pâtissier. Ouais, désolé, je regarde pas, je connaissais pas, c'est pour ça. Voilà. Ça va, vous n'allez pas me juger coupable non plus. Hein. Non, mais on reste calme un peu. Et quoi, dis donc, t'es éliminé il y a pas longtemps, c'est ça? Ah ouais, j'ai été éliminé la première, ouais. Ah, la première, ah merde. Du coup, t'es pas si triste, t'es pâtisserie, c'est vraiment peut-être de la merde. Non, si triste. Mais non, non. Ça lui a fait de la pub à mort. Non, mais complètement, mais attends Aline, t'as pas envie de passer une fois sur Énergie nous faire goûter tes pâtisseries? Ah bah si, moi je veux bien. Ouais. Ah bah voilà. On va manger, on va manger. Non mais il va falloir être plus sympa avec moi qu'aujourd'hui, hein. Bah t'inquiète pas. Regarde, on est sympa pour ta vie. Il y a Eugénie qui sera là avec. Aline, tu viens de quelle ville? Ben normalement Soigny, mais pour l'instant j'habite Dour en attendant. À Dour, ah ouais, pas loin de Mons, c'est pas loin de la frontière française. Eh oui, ben, c'est ça. Eh ben écoute Aline, si jamais avec Eugénie vous avez envie de passer, vous êtes les bienvenus, on va arranger ça avec le standard, avec Nigel et tout ça, ça va? Yes. La classe. Ah ben, bien gentil, ouais. Eh ben super, et bravo Eugénie, comme ta pote, elle s'est bravo. Elle s'est énervée, ben c'est gagné. Bisous les amis, je vous prends en antenne à tout de suite sur Énergie, le jeu du bluff. Ne bougez pas, on arrive dans quelques instants, on est en direct, il est 23h30. Bienvenue. Yeah. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous élisez chaque année, grâce à Énergie, les meilleurs DJ mondiaux. Énergie DJ Awards 2018. Assistez à la cérémonie depuis Monaco, aux côtés de vos DJs préférés, grâce à la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller à Monaco au Énergie DJ Awards. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos accès exclusifs pour les Energy DJ Awards 2018. I should have stayed with you last night instead of going out to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me? Oh, I wish that I could let you love. Wish that I could let you love. Every time it gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. Soir. Du lundi au vendredi. Dès 21h. Et sur Énergie. Exactement. Oh, mon micro. Ah oui, exactement. C'est mieux avec mon micro. Say goodbye. Goodbye. Allez, Jason Derulo. David Guetta. Nicki Minaj. On arrive tout de suite sur Énergie avec le jeu du bluff. Bienvenue sur Énergie, on est en live les amis, avec vous. Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Yeah, motherfuckers. Vince est dans la maison. Merci. Oh, ça fait du bien, les 23h37, là, on adore gueuler dans cette émission. Eh, hein. On est grave en forme aujourd'hui. T'as vu ça? Ouais, grave, j'ai l'impression. On va passer un petit son en 8D tout à l'heure, là. Kanye West, Lil Pump, I love it. Ah, you such a fucking hoe. I love it. Mm-hmm. You fuck me hot, you whore. Ouais. I love it. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la musique en 8D, on en a parlé hier dans l'émission, c'est un nouveau style de musique là, qui est disponible sur Internet et tout, où en gros, vous avez l'impression d'être dans une salle de concert, d'écouter l'artiste, de vous balader, vraiment de voir un showcase live, ouais. Sauf que vous l'entendez. Et en fait, c'est vraiment la voix qui se balade de gauche à droite, la musique se balade de gauche à droite avec un effet de reverb. Ouais, il y a carrément... Ouais, genre, elle va derrière, enfin, elle va... En fait, elle tourne à 360 degrés. Et c'est conseillé d'écouter ça avec un casque. Ouais. Et si vous êtes en voiture, même, ça fait un effet. Alors attention, il ne faut pas que ça vous hypnotise trop, parce que ça hypnotise, en fait. Tu trouves que ça hypnotise ? Moi, je trouve que ça hypnotise un peu. J'en ai écouté plusieurs quand je suis rentré et tout. Et ouais, il y a un truc trippant un peu. Moi, je pense ça. Que ça écouter avec des casques ou des écouteurs aussi. Hein, ouais, donc, ouais, ouais. Pas, les casques, ou si vous, avez des bons baffles, ouais, pourquoi pas. Si maintenant vous avez une petite radio, là, c'est pas le même effet. Hein. Non, mais même un gros baffle, hein, je pense. Ouais, que dans la voiture, il y a plein de gens qui ont kiffé hier. Ouais, non, mais du coup, parce que dans la voiture, ça se balade entre les baffles qu'il y a devant, derrière et tout. Donc ça fait tout un truc. Mais si maintenant vous avez des écouteurs, c'est bien mieux, surtout un bon casque. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est génial. Avec un casque, moi, je bande. Oh, doucement, doucement. Il y a un petit exemple, écoutez ça. C'est parti. Ah. On nous dit, c'est un kiff. Najat nous dit avec le casque, c'était beaucoup mieux. C'est encore mieux, pardon. Zoubaïr, il me dit en homme, cinéma, c'est fort. Ah, c'est spécial, hein. Dis-nous si quel effet ça fait pour ceux qui nous écoutent en voiture. Voilà, ce sera pour après, c'est pas pour maintenant, ce sera pour après. J'adore. Et les gens qui vont se brancher sur énergie à ce moment-là, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont dire, mais ils ont un problème avec leur émetteur, ceux-là, c'est pas possible. Oh, je dois aller changer mes baffes, la biloute. Alors, j'adore, il y a PNO qui me dit, ça m'énerve plutôt que plus qu'autre chose. Ah, ok. Et je suis un peu d'accord avec lui. Attends, parce qu'entre parenthèses, il a écrit, ok, j'avoue, je n'ai qu'une oreille fonctionnelle. Ah, merde. Donc, du coup, ouais, je peux comprendre que c'est galère. Hein. Vin, j'ai écouté la musique en 8D avec un casque, j'ai eu des nausées qui a été envoyée. Ah, il y a quelqu'un qui a eu la tête qui tourne, visiblement. Ceux qui ont le mal de mer. Alors, meilleur, le mal de merde. Meilleur son grave, il y a quelqu'un qui me dit, juste en radio, non. Tu as le son qui voyage d'avant en arrière. Et sinon, t'as Vince, c'est une tuerie avec un casque JBL, visiblement. Et quelqu'un qui me dit, salut Vince, perso, j'ai essayé dans la voiture avec une bonne install et ça déboîte grave sa mère. Il y a Julie et Michel qui disent, ça endort, Vince. Ouais, et mais clairement. Hein. Aurélien nous dit, Vince, t'as l'impression que tes baffes ont un problème en voiture, mort de rire. Alors, on dirait que je suis dans les toilettes d'une boîte. Ah oui, c'est vrai que ça. Et que t'as trop bu. J'adore. En voiture, j'ai testé hier soir un truc de malade. C'est ce qu'on nous a envoyé. Alors, il y a Najat qui dit, il ne faut pas mettre le son en fond, sinon ça donne mal de tête. Et merci DMC pour ta réaction. Les amis, j'ai le plaisir d'accueillir deux auditeurs ce soir. On va commencer d'abord avec Tony. Salut Tony. Ouais. Yo, Tony de la maison. Oh là. Oh my god. Tony, bienvenue à toi. Tu viens de quelle ville? En fait, j'habite à Luxembourgville, mais ce soir, je suis chez mon père à Honnay, dans la commune de Beaurain. Dans la commune de Beaurain, très bien. Mais sinon, tu viens de Luxembourg, à Luxembourgville. Hey, oui, j'habite à Luxembourgville, ouais, je travaille là-bas. Dédicace à Luxembourg. Ça dit quoi à tout le monde? Hey, must be the money. Oh, ça fait du bien, c'est cool, ça. Eh ben, parfait, bienvenue à toi sur Énergie. Tony, si t'es avec nous, c'est parce que tu as envoyé la bonne réponse à notre petit délire là qu'on a fait avec la scène culte. On avait passé même une petite partie de musique. Et toi, dis-nous, est-ce que tu as la fameuse bonne réponse? Bah, bien sûr que je l'ai. C'est quoi? C'est Men in Black. Bonne réponse. Oui. Galaxy Defender, des défenseurs de la galaxie, j'avais pas capté ça. Oh. Je pensais que c'était les gardiens de la galaxie. Oh yeah, bisous à Monia qui est là. Monia, ça fait longtemps qu'elle nous a plus envoyé de message. À la Monia. Eh ben, bon retour à toi, Monia. Steven, Vince, essayez cette musique. Quoi, Netflix Rumors. Je vais garder ça. Netflix. C'est intéressant. Il y a aussi ça pour Electricity 2. Pour Electricity 2. Electricity 2. C'est bizarre, Laurent. J'ai pas compris ton message, Laurent. Tony, en tout cas, bravo à toi, mon pote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tes coordonnées tout de suite et on va t'envoyer du cadeau. Bravo à toi. Ah ouais. Et Vince, je sais pas si tu te rappelles, mais on a déjà été à l'antenne ensemble quand t'étais sur Fun Radio. Ouais. Quand ça. Il y a quelques années, on a piégé mon père via ton jeu. Attends, mais on a piégé comment? On l'a piégé comment? Raconte-moi, comme ça, ça me redonne des idées on à faire. En fait, on avait fait croire à mon père que vous étiez une mafia italienne dans un restaurant. Oui. Ah oui. Oh, oui. Oh putain. Oh, c'était énorme. Et je me souviens de ce truc. Oh, mais ouais, c'est ouf. J'avais parlé avec l'accent un petit peu comme ça, un truc dans le genre. C'est pas, ouais. Ouais. Et mon père avait plus que marché, il avait couru carrément. Mais je me souviens, c'était parti en sucette. Il était en flip et tout. Bon, on est parti en sucette, on avait pas fait croire qu'il y avait des armes et tout, je sais plus très bien là. Ah, mais oui, mais je me souviens. Que vous m'aviez tiré dans la jambe et tout, il était prêt à descendre avec des amis. Et c'était un de mes canulars les plus ouf, je crois. C'était. On les faisait en 8D, nos canulars. Ouais, grave. Attends, ouais, je me souviens, j'avais mis une musique genre Le Parrain et tout, la musique du film pour moi déconner. Moi aussi, je me souviens de ce canular. Hein. J'étais pas là, Wanda. T'étais pas là, mais tu t'en souviens, c'est quand même fou. T'es pas né. C'est ouf quand même. Ah, bah franchement, ça fait plaisir que tu me remémores ça. C'est il y a 4 ans ce truc. Ouais, il y a plus ou moins 4 ans, c'est ça. Waouh, hey, on s'en souvient. Je suis choqué qu'on s'en souvienne. Ah, mais oui, moi j'en souviens aussi, c'était tellement bien. Oh putain. Excellent. Par contre, j'ai une petite colle pour toi, Vince, qui est fan de manga, comme moi. Ouais, ouais, mais avant que tu me racontes ton histoire, moi je propose un truc. Dis-moi. Est-ce qu'on referait pas encore une fois la blague à ton padre? À mon père. Un de ces quatre. On l'appelle comme ça. Ah, si tu veux, ouais. Gouzi Gouza, une balle dans la jambe, maintenant ce sera une balle dans les poumons. Et tu feras semblant de mal respirer. Ça fait longtemps que j'ai plus fait le mafieux de la Malia Fa Italia. Ça va revenir prochainement. Vicente. Ah non, Vicente, ça c'est espagnol ça. Vicente. C'est Vicente. Les fans de Palermo. On l'aime pas trop, dit Vicente là. Ah non, non, non. Ça, c'est autre chose. C'est espagnol, Vicente. Non, c'est Vicente. Ferme tu bocca. Il habite du côté de Torino. Mais de temps en temps, je vais du côté de la Sicilia. Ah, moi, j'appelle plutôt de Napoli. De Napoli. Et moi, de la Bolognaise. Ça m'a donné faim, j'ai envie de manger un bon spaghetti. Donne-moi la avec ricotta. Avec des pâtes à la napolitaine. Avec comme à casa. Oh my god. Avec Dr. Rutger. macaroni. Pizza au chocolat. La pizza alla Nutella de Ferrero Rocher. N'importe quoi. En plus, Nutella, c'est italiano. Si. Si, sì. Nutella, c'est italiano. Va bene. Ah, Ferrero. Ferrero. Le brasure. Ah, sì. Avec la sauce buttoni. E le Kinder Pingui. Ah. Kinder Pingui. Non, ça, c'est les Allemands, non. Ça, c'est les Allemands, tu ne prends pas ça. Avec de la bonne bière Jupiler. Ah non, c'est colpasse. Jupiler. Jupiler. Une bonne Jupiler. Et tu voulais me dire quoi, Tony, pour le truc du manga, là? Vas-y, raconte. Ah, écoute, en fait, j'ai deux cols pour toi. Toi qui es fan normalement de Dragon Ball Z, tu devrais le savoir. Oula, vas-y. Mais on sait jamais. Vas-y. La première colle. Est-ce que tu sais normalement quelle est la véritable fin du manga Dragon Ball? Du manga Dragon Ball, le manga en papier. Pas Dragon Ball, Dragon Ball Z. Normalement, la fin du manga et l'anime. Attends. La fin du manga Dragon Ball ou la fin du manga Dragon Ball Z, qui est toujours Dragon Ball, mais on parle d'animé ou on parle de manga? Dragon Ball Z. Normalement, la véritable fin de Dragon Ball Z. Est-ce que tu la connais? Bien sûr, ça se passe 7 ans plus tard, je crois, au nouveau tournoi des arts martiaux. Il part avec Oob, pas et donc avec la réincarnation debout. Oui, mais ça c'est une fin qui a été décidée par après. Ouais. Quand, ils ont fait l'arc debout. Oui. Mais la véritable fin normalement de Dragon Ball Z, ouais, elle se passe à la mort de Sangoku après l'arc de Cell. Ah oui, d'accord, oui, non, mais en fait, oui, ok. C'est pointu votre discussion là. Ok, d'accord. En fait, il y a plusieurs arcs dans l'histoire de Dragon Ball. En fait, pour même être plus précis avec toi, Tony, ça devait terminer à Freezer, en fait, Dragon Ball. Hein, ça devait terminer normalement, là. Normalement, oui. Voilà, sauf que les audiences étaient tellement bonnes qu'ils ont fait Cell. Et puis, c'était tellement bon qu'ils ont fait jusqu'à bout, c'est tout. Mais sinon, vous voulez pas parler de ça en privé, de WhatsApp? C'est vrai, c'est vrai. Attends, j'ai une dernière colle, justement, par rapport à l'arc de Bou. Oula, vas-y. Et j'adore parce que tous ceux qui connaissent pas Dragon Ball, ils sont largués là, ils ont envie de zapper. Vas-y. Ah oui, mais là je vais t'en apprendre une, tu vas rire. Vas-y, quoi? Est-ce que tu sais d'où viennent les noms de l'arc des méchants de l'arc de Boue? S'il te plaît, c'est de Cendrillon. Ah, ça va alors. Tu me rassures. Il est collé. Putain, mais il est con, lui. Gars, j'ai bossé dans un magasin de manga. Attends, deux secondes. Je pars au Japon tous les ans. Et c'est lui qui a inventé le manga, ok? Voilà, s'il te plaît. C'est manga sûr. Voilà, Akira Toyama, c'est mon père. J'ai eu un gars qui m'a affirmé que c'était un fan incontesté Dragon Ball Z, tout ce que tu voulais. Il a même pas été capable de me sortir ça. Ouais, mais voilà, gros, mais toi tu dis ça, c'est moi le vrai fan. Non, tu te fous de ma moi gueule, j'ai pété le chef otaku, le gros youtubeur, je l'ai pété dans un clash en privé. Mais frère, mais en plus c'est un bâtard, tu dis le ça. Jour, ça va savoir ça. Tu dis ça au mec qui fait que parler de Dragon Ball depuis qu'elle a commencé la radio. Ma chambre c'est des posters de Dragon Ball. Toi aussi. Je te dis pas la gueule de ma meuf quoi. Bon, même sa toilette. Grave, même ma toilette. Non mais Tony, ouais, c'est Bibidi Babidi Bou en fait. C'est la formule magique de Cendrillon, de la marraine. Et en gros, Akira Toriyama, quand il a fallu trouver des méchants, il a trouvé le nom Bibidi Babidi Bou, tout simplement. C'est comme un Hocus Pocus Abracadabra. Voilà, ouais, c'est là que ça vient en fait. Ça vient de Cendrillon. Et d'ailleurs, de quel personnage est inspiré Trunks? Hein, Tony? Ah! Ah, là, tu me poses une colle. Eh ben, c'est de John Connor dans Terminator. Voilà. Allez, bam. Ah, allez. Oui, c'est juste, ouais. Eh ouais, John Connor. Mm. Voilà, John Connor, si tu préfères. Enfin bref, bisous Tony, bisous, bonne soirée. Hein. Il est trop cool. Merci, salut l'équipe. Quand tu veux, mon pote, on fera une blague à ton père. Là. Et ouais. On accueille Sophia, il y a du monde dans le standard ce soir, c'est un truc de ouf. Salut Sophia. Salut Sophia dans la maison. Oh my gosh. Et on a encore en plus le jeu du bluff qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe, Eddie? En fait, Tony, là, il est au standard, mais il continue ses histoires de Dragon Ball, je comprends rien du tout. Oh, il est à mourir de rire. Sophia, si tu passes à l'antenne, c'est parce que tu étais la première à avoir envoyé Énergie avec ton prénom que t'as envoyé au 78, on est bien d'accord? Oui. Eh ben, j'ai envie de te dire bravo, puisque ce soir, c'est gagné! Ouais, ouais. Bravo à toi. Donc, tu repars avec le jeu sur le Calibur 6, donc je sais pas si t'as une PS4 chez toi. Bah, mon petit copain là. Eh ben, tu peux offrir le jeu à ton petit copain dès que ça arrive si tu veux, ça va? Pour Noël. D'accord, je ferai ça. Eh ben, super. Trop gentil. Un gros bisou, merci. Sophia. Bisous. Bonne soirée. Bisous, bisous, ma chérie. Bravo à Daphné, la deuxième gagnante également, qui est passée aux antennes. On lui fait un gros bisou. Les amis, j'ai le plaisir d'accueillir Omar dans le standard. Salut Omar, il y a du monde, c'est incroyable, à 23h49. Merde. Salut Omar. Salut. Omar est dans la maison. Mon prêt tout de suite, là, quoi. Et ouais, je suis prêt, quoi. Aïe, tu as dit quoi? Tu es prêt? Omar, plein d'auditeurs. Omar, dédicace à tous les Omar du monde entier. Tous ceux qui sont au fond de l'eau. Sébastien Bolochon, Ariel la petite sirène. Dédicace aussi à Omar Sy, grand acteur. Dédicace à Omar Simpson. Lui-même il sait. Nicolas Fader. Brandt Manatier. Omar Mathieu. Bon, Omar, on a oublié. Oh là là. Omar m'a tué avec ER. Hey. Dédicace à tous les homards qui vont se faire manger pour 450 euros. Oh là là. Attention, demi-homard, 18,50 €. Quartier Sainte-Catherine. Je mange vraiment pas d'homard. J'ai eu un traumatisme quand j'étais petit. Mais en même temps, tu serais cannibale, du coup. Non mais t'as pas les homards, c'est bon les homards, mais je trouve qu'il y a pas beaucoup à manger dedans. C'était à Noël et puis on sort un homard et j'étais petit, je commence à pleurer, je mange pas mes cousins et puis j'en mange pas. Je mange pas mes cousins. Oh my god. Ça nous rappelle Nigel, on avait fait un truc en radio une fois avec lui, on l'a déguisé en homard et il est parti libérer des homards. Ah ouais, hey, mais d'ailleurs faudrait qu'on commence à faire des bails comme ça, c'était trop grave. C'était vrai que c'était ouf ça. Ouais, tu étais tempéleste. T'as dit quoi Omar? Je fais frapper. Je mangeais le homard et je pleurais et tout vraiment. Non mais c'est normal. C'est difficile, ça doit être trop lourd pour un enfant. Frérot, est-ce que t'es rouge? Est-ce que t'as des pinces comme lui? Ouais. Est-ce que tu t'appelles Thibaut? Ouais. Est-ce que t'es rouge? Ok. Bon, Omar, on va jouer au jeu du bluff juste après. Georges Ezra sur Énergie avec Shotgun. Tu as une histoire à nous raconter. Les auditeurs doivent deviner si c'est la vérité ou si tu mens. C'est bien ça? Ouais. Eh ben, c'est tout de suite sur Énergie. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. What I mean, there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, Georges Ezra avec Shotgun. Et j'adore, il y a un message qui est arrivé là. Il y a Mel qui me dit Vince, victoire 9-6 au mini-foot. Je vous dédicace l'équipe. Ah, oh, et ben belle victoire à toi. Bravo, félicitations. Bien joué. T'as tout cassé. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Ouais, Vince est dans la maison. Et merci. Et 23h54, le mot de la fin qui arrive. Mais d'abord, j'adore, il y a David qui me dit Vince, putain, c'était un match chiant. Ouais, on t'a entendu, t'as arrivé de ouf. Je suis désolé. Il y a David qui revient du stade, là, il nous envoie une photo au stade et tout. On devait pas appeler un petit jeune, là, d'ailleurs, qui était supporter au stade. Ouais, mais là. Il répondait pas. Oh merde, il n'y a pas de réseau, je pense, parce que le réseau est galère. Hein. Il galère au stade Roi Baudouin, là. En tout cas, bah ouais, visiblement, c'était un match chiant, là. Omar, c'est un ouf. Big up à Kevin, Guilty News, qui est là. Spécialement, Vince, vous devriez faire passer un peu ce genre de musique. Quel? Ah bah attends, on m'a envoyé un lien. J'espère que ça va pas faire mal aux oreilles. Attention, je mets play. Nefex, visiblement, ça s'appelle. Je vais mettre play, vas-y. Hop, c'est parti, on m'a proposé un son, je le mets. Qu'est-ce qui se passe? On écoute. You're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo. Ça s'appelle Fight Back. On dirait Eminem. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. Tous ceux qui sont Eminem, ils rappent comme lui, t'as remarqué. Ouais. Machine Gun Kelly, tout ça. These opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no, you can't. Ah ouais, ok, ah ouais, le mec est nerveux, il est fâché, hein. Et le refrain, ça donne quoi? Fucking fight back. Pas mal. Et dis-nous ce que vous en pensez sur WhatsApp. Eh ben je découvre, hein, je connaissais pas. Nefex, ça s'appelle visiblement là. Et un peu de rap italien aussi. Il y a un gars que j'adore. Il y a un gars que j'adore. Attends, c'est un français. C'est Riles. Oh, mais c'est ou Riles si vous préférez. Riles? Et vous connaissez Riles ou pas? Ou Riles? Ah, Thibaut, il connaît. Thibaut, il connaît. Ah, Thibaut, tu connais, toi? Ouais, ouais, ouais, je connais bien. Et le mec, j'adore ce qu'il fait. Il a fait un son. Je vais prendre le plus connu, une des plus connues, c'est Brothers. C'est un italien? Ouais. Non, il n'est pas italien, il est français. Ah. Et il rappe en anglais. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il n'est pas soutenu par la France, le mec. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit. Mais Riles, il a réussi sa carrière, il a percé grâce à Seb Lafrite. Le youtubeur. Sérieux? Ouais. Ah. En fait, il faisait des vidéos pour faire découvrir des artistes et il a fait découvrir Riles au monde et depuis il fait des tournées, des trucs de ouf. C'est ouf parce qu'il fait tout en anglais en fait et il vient de Caen, je crois. Yep. Un truc dans le genre. Ah c'est oui, de Caen. Je connais. Écoutez, ce son il est terrible, ouais, il est vraiment fort. Et en plus, on dit dans sa campera. Et le mec, il est français, quoi. Hein. C'est terrible. Et c'est lui qui produit, qui écrit, qui fait ses covers. C'est lui qui fait tout, tout, tout, tout, tout. On dirait grave un anglophone, hein. De ouf, hein. Mais c'est le genre de vrai artiste complet, tu vois. Attends, il chante, il rappe, et je t'ai dit, il fait son Photoshop lui-même, il fait ses photos lui-même. C'est pas dégueu, hein. Il fait ses clips lui-même, il fait tout seul, il s'appelle Riles, R-I-L-E-S. Ah, il est autonome. Ouais, complètement. C'est fort. Clac, clac, voilà. Et franchement, c'est bon ce morceau. Hein. Riles avec Brothers. Si jamais vous voulez le titre, vous ne le connaissez pas, je peux vous l'envoyer sur WhatsApp en lien. Omar, est-ce que tu es prêt pour jouer avec nous, Omar? Ouais, d'ailleurs, Vince, juste pour te conseiller par rapport à Riles, je te conseille la musique Should I. Elle est trop bien. Should I, ok, très bien. Ça fait longtemps que j'ai pu checker ce qu'il fait, Riles. Il est fort. Check, à un moment donné, il était en mode où il sortait des tracks tous les jours, c'était pas ça, là? Tous les jours, non, c'était une fois par semaine, tous les dimanches. Ouais, voilà, c'est ça. Cas, ouais, moi, mais c'est un des mecs sur qui je me tire, en fait. Lui, Mr. V, un peu et tout. Frère, d'accord. Quand tu sors un son toutes les semaines, tu les as préparés depuis 3 ans. Ça dépend. Non, oui, bah bon. Non, vraiment pas. Le mec, il était surveillant dans une école secondaire, il a rien à foutre. Mais excellent. Bon, hey, le Should I, ça sonne comme ça. Attends, je le mets. Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'm a go super saiyan. Ah, super saiyan, j'apprécie déjà ce que ça se dit. Très bien, merci Omar. Attention, c'est parti, à toi de jouer. Omar, concentration totale. Omar va nous raconter une histoire, c'est à vous du côté du WhatsApp ou au 3018 de nous définir si il ment ou s'il dit la vérité. Par contre, juste pour vous prévenir d'un truc, je vais éviter beaucoup de détails et je vais éviter de les dire parce que je ne sais même pas si j'ai le droit de les raconter, parce que si je les raconte et que ça se sait, je peux avoir de gros problèmes. Il a bien planté le décor. Est-ce qu'il dit ça parce qu'en fait, vraiment, il bluffe et il veut faire croire qu'il ne bluffe pas et donc il met genre la pression? Ou est-ce que... Ah, putain, t'es bon toi. Non, mais je vais vous expliquer. S'il faut les détails, il faut les détails, mais ça va être trop long à ce moment-là parce que c'est une histoire qui a duré 3 jours et donc... faut vraiment, je vais faire vraiment ça en réduit. Eh ben, tu sais quoi, tu nous la racontes dans quelques secondes. Bah oui, j'ai la pub, on va, désolé, c'est comme ça. Ah, relax. Quelques secondes. Elle dure, franchement, elle va durer genre 2 minutes, pile poil. Putain. Et tu vas nous raconter ton truc et on offre des cadeaux à ceux qui trouvent, qui arrivent à définir la psychologie d'Omar. Si vous pensez qu'il mitonne ou s'il dit la vérité. On arrive tout de suite. Yunamar. Yunamar. De la pub, Yunamar et de la pub, Yunamar et de Yunamar du jeudi bluffé, Yunamar et 23h, Yunamar du mot de la fin, Yunamar et de Thibaut, Yunamar et des roues, Yunamar et de aider, Yunamar et du salaire, Yunamar pas de salaire, Yunamar j'ai pas de télé, Yunamar et de la pub, Yunamar j'en ai marre de la pub. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. Je pense qu'il se passe quelque chose entre nous, Paola. Ah bah ça. Ça va juste une fois. En tout cas, elle a l'air heureuse. Ouais. Ça va juste une fois. Le 6-9 sur énergie, demain. Demain, dès 6h. Everything you say, every time you swear, every word you speak, every time reminds me. Me. Of that Monday night when the streets were cold and the lights were dead and you wanted to let go. Go. I need a final way to say I never meant to spin out of control. You're tired of staying up all night. Stop trying to find a way to get back home. You don't need to. Just stay, stay before I fall down, stay before I lose my head. Just stay, stay until we're sober. Why don't you stay over? I want you to stay. revient demain, dès 21h. Mais non, mais ta gueule, je reviens pas demain, mais oh, hey. Mais non, mais oh, hey, doucement, je reviens pas demain. C'est quoi, c'est le mensonge? Je reste encore. Techniquement, c'est vrai, je reviens demain, mais je reste encore. On va pas déconner, là. Incroyable. Non, mais c'est quoi, ce bordel? Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Voilà, je préfère ça. Non, on revient demain, le jingle qui prend de l'avance. De toute façon, on revient pas demain, hein, techniquement. Si. On revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure, c'est vrai, on a dépassé les minuit, t'as raison. Ouais. J'adore, quelqu'un m'a envoyé minuit pour Lara. Salut les beaux gosses. Parce que Lara aime bien les chiffres ronds, là. Et j'adore, il y a Pedro qui le dit, Vince, le jingle veut vous éjecter. Un de ces quatre, c'est ce qu'on va faire, on va laisser Lara toute seule. Oh. Toute seule avec des auditeurs qui appellent au standard, elle les prend tout de suite. Ouais. Oh, ouais, trop fort. On va faire ça, on va appeler ça la radio rose de Lara. La radio belle rose. La radio belle rose. Les tarés qui vont appeler. Bah pas forcément, je suis sûr qu'il y a des meufs qui vont t'appeler. Je vais faire un peu comme Macha. Ils vont dire coucou, tu veux voir ma bite? Salut, comment tu veux que je fasse sur la radio? T'as des auditeurs, ils vont lui mettre la pression. Lara, tu vois, bah, pendant que je t'écoute, je suis dans ton parking là. Oh. Et je vois ta voiture et tout, donc je vais te cacher. J'adore. D'ailleurs, on est situé chaussée Louvain 775. Ouais. Si vous voulez faire une blague à Lara dans le parking. Et ceux qui veulent savoir, c'est quoi la voiture de Lara? Voilà, c'est une. Vous voulez vraiment que je vienne plus en fait? Mais non, Peugeot rigole. Peugeot 206. C'est juste, ouais, voilà, c'est ça, elle est coulant de mort vite fait. Voilà, comme ça. Le pauvre Lara, elle flippe avec ça. Oh, regarde le regard de Lara, mais on rigole. Mais de toute façon, Lara, je te dépose, oui, il y a toujours quelqu'un qui te dépose après. Oh, t'as pas de voiture, ta gueule. Bon, allez. On récupère. Je te dépose. Comment il fait le type? On récupère Omar. Omar, tu nous reçois. Super. Omar va nous raconter son histoire. Mesdames et messieurs, c'est le jeu du bluff. Si vous trouvez la bonne réponse, si vous pensez qu'il dit la vérité, vous envoyez... il dit la vérité. Si vous pensez qu'il ment, vous envoyez espèce de gros mytho. Il y a déjà Kevin et Slime qui ont dit il dit la vérité. Je tiens à préciser que si quelqu'un me dit mytho et qu'effectivement c'est un gros mytho, eh ben, il gagne des cadeaux. Ouais, donc on t'écoute. Omar, c'est parti. Raconte ton histoire. Ok, bah attendez d'abord, parce que d'abord je remets un peu dans le contexte vite fait. Bruxelles, je suis égyptien-marocain en fait. Félicitations. Égyptien-marocain, avec plaisir, merci. Et donc, en fait, ben, comme vous savez, tous les blédards, eh ben, chaque année, ils repartent au bled. Pendant les vacances. Et moi, en fait, jusqu'à mes 12 ans, on avait l'habitude de partir une fois au Maroc et une fois en Égypte. Sauf que pendant 5 ans, on n'est pas parti en Égypte. Comme vous le savez, à cause de la révolution, guerre civile, etc. Effectivement, ouais. Le printemps arabe. Voilà. Et donc, on n'a pas pu y aller. On a essayé d'y aller, mais mon père refusait d'y aller parce que c'était trop dangereux, etc. Et donc, 5 ans après, quand il y a eu la fin de la révolution, plus ou moins, ça se calmait et tout, j'ai demandé si on pouvait y aller. Mon père a dit non, parce qu'en fait, finalement, je ne sais pas si vous avez su, mais à un moment, il y a les histoires de terroristes qui ont commencé, en fait. Ce qui est vraiment, ça a commencé avec la terrorisme et tout. Et vu qu'ils étaient en train d'attaquer les terroristes en Syrie, ben, je ne sais pas si vous savez, mais les terroristes, ils fuyaient en Égypte. Égypte, Liban, etc. Mm-hmm. Je ne savais pas, mais ouais. Ok. Ah, si, ils fuyaient en Égypte, Liban. Il y a même une histoire, vous pouvez aller voir sur Internet. C'est un soldat égyptien dans une base égyptienne qui s'est carrément suicidé pour sauver blindé de ses camarades en ayant pris dans ses bras le kamikaze. Ouais, mais raconte ton histoire à toi, gros. Ouais, frère, t'inquiète, faut juste mettre en place, frère. Alors, pour l'instant, j'ai énormément de mythos qui arrivent, c'est un truc de ouf. Tu me fais grave flipper, là. Sauf que je ferai. Allez voir sur Internet, vraiment. Eh ben, j'explique. Donc, raconte ton histoire à toi, franchement. Voilà, et donc je vais. Donc, finalement, je dis à mon père, je m'en fous, ça fait 5 ans, ma famille, elle manque, il faut que j'y aille parce que ça fait longtemps. Donc, je vais en Égypte, enfin, je vais dans l'aéroport et tout, je monte dans l'avion et tout, machin, et vous allez pas me croire, et c'est vrai, j'étais dans l'avion, il y a un avion qui a été détourné. De Bruxelles jusqu'au Caire. Et c'est un mec qui était rentré dedans et il voulait le détourner pour atterrir en Grèce. Grèce qui est juste à côté de l'Égypte. Et c'est un vrai gars. Et en soi, il avait simulé qu'il avait une ceinture explosive et c'était pas vrai. Enfin, à la fin, quand on a atterri, il y avait tous les fédéraux et tout machin. C'était un mythomane en fait. Le gars, les il fédéraux, a menti. Mec. Il a pas, ouais, parce que c'est pas les flics à ce moment-là qui s'occupent de ça, c'est les mecs plus haut. Et donc, il avait simulé, ça c'est aussi dans les nouvelles et tout, on pouvait aller voir, il avait simulé qu'il y avait une ceinture et c'était pas vrai. En fait, c'était un gars qui voulait rejoindre carrément sa femme en Crète. Et ça, c'est une histoire vraie. Et c'est dingue parce que j'étais dans cet avion qui était soi-disant en train de se faire détourner parce qu'en vérité, tu sens vraiment rien quand t'es dans l'avion en soi. Ouais, l'avion il fait pas demi-tour d'un coup là, tu vois. Marche arrière. Mais t'as vu le gars ou alors tu l'attaques compris après qu'il y avait eu un problème. Non, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que genre le gars, nous on n'avait pas encore remarqué, enfin on a été au courant que l'avion était en train de soi-disant de se faire détourner 20 minutes après. C'était parce que après les gens ont dit ouais restez calme, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Mais il y avait qu'un qui a été envoyé parce que les autres étaient obligés de rester à leur place en disant sinon il allait tout faire péter, je sais pas quoi. Donc nous on est en panique totale forcément. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, dans un avion tu peux rien faire à part prier. Tu peux pas t'échapper. Qu'est-ce qu'on fait, Vince? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce que l'histoire est terminée? Qu'est-ce qu'on fait? Continue l'histoire. Et vous nous envoyez sur WhatsApp s'il est mytho ou s'il dit la vérité. Tu crois que c'est un mytho ou pas, Vince? Donc, on arrive vraiment aller en Égypte et tout. Il y a vraiment eu donc tous les fédéraux qui sont arrivés. Interdiction tout le monde de bouger de sa place. Ils ont chopé le gars et tout. Et c'est à ce moment-là que le gars, soi-disant, enfin, on est resté dans l'avion une heure encore après, hein, parce qu'il voulait laisser personne sortir tant que tout n'était pas mis en sécurité, je sais pas quoi. Ce qu'on trouvait complètement con, parce que s'il avait laissé la bombe dans l'avion, nous, ciao, bello. Hein. Et donc voilà, machin, je sais pas quoi. Et puis d'un coup, les fédéraux rentrent. De ouf, les fédéraux rentrent. Et ils prennent, genre, moi et un autre gars. C'est un truc. Je le croyais jusqu'à maintenant. Tu vois. Là, je l'ai cru jusqu'à maintenant. Vas-y, continue. C'est insane. Attends. C'est insane ce que vous allez voir. Vas-y, arrête de passer des mots en anglais. Attends, vas-y, on l'écoute. Comme ça, vous savez, depuis que je suis tout petit, et c'est complètement con, mais ça, c'est une histoire vraie. Depuis que je suis tout petit. Non, mais vrai. Mais faux, ça, c'est une histoire vraie. Ah, mais toi, franchement. J'ai un peu grillé, là, on dirait. Non, il y a pas dans mon passeport. Et en arabe, on appelle ça Ahmar. Je découvre. On t'écoute, vas-y. Et donc, depuis que je suis tout petit, et ben la douane, ben, dans toute ma famille, c'est toujours moi qui galère parce que la douane, on me retient, alors que j'avais même 3-4 ans, enfin c'était complètement con. Mais il y a vraiment un gars qui a fui en Syrie il y a longtemps. Et qui a le même nom que toi? Ouais, qui a le même nom que moi, exactement. Et c'est une dingue. Genre, mais là, sauf que là, j'avais quoi? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Là, actuellement, j'ai 20. Ça fait 2 ans que ça s'est passé. Donc, j'avais 18 ans. Et donc, j'arrive, machin. Les fédéraux prennent moi et un gars, tu vois. Et on descend, machin. Et là, on va à un interrogatoire. Moi, je comprends rien à ma vie.